Levons-nous encore. Oui, il y a les gens, même ayant fini de boire le café, d'autres boivent le café même en dormant. C'est pour vous dire, c'est pas ça, c'est pas le café qui peut vous empêcher de dormir. Dites-moi, je vous laisse dormir un peu. Non. Le nom là est unanime. Oui. Donc, jusqu'à 10 heures. Jusqu'à. Vous verrez le feu là, n'est-ce pas? Je peux prêcher encore, frère. On peut prêcher. Si vous êtes fatigué, s'il y a des gens, vous êtes fatigué, je vous laisse. Si vous n'êtes pas fatigué, on ouvre la Bible, on parle encore. D'accord? Baissons la tête, prions. Tendre Père, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais. Merci pour tes bénédictions dans nos vies. Père, merci pour cette autre session de ce jour que tu nous as accordé ici en Consamba. Tu as dit à toute occasion favorable ou pas, ô Dieu, qu'on prêche. Amen. Mais ici, Père, tu veux nous édifier, tu veux nous corriger afin que nous te fassions toujours confiance. Seigneur, merci pour la grâce. Nous attendons à toi encore, Père, d'aller nous parler encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir alors. Donc, si je constate que vous dormez, je vais encore vous faire vous lever. D'accord, frère? Amen. Notez 2 Pierre. Notez 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2. Notez 2 Pierre, chapitre 2. Daniel, les chapitres 3, 6 et 12. On va encore prendre un autre sujet, comme le Seigneur va nous diriger. Savez-vous que c'est une bénédiction déjà d'être autour de la parole comme ça, en train de partager pour comprendre les oracles du Seigneur, comment Dieu veut qu'on marche, comment il nous corrige. Vous allez voir, certaines personnes vont disparaître là-bas comme s'ils partaient pour faire quelque chose. Et ce sera terminé. Ce matin, vous allez encore les retrouver. On a dit que Père Jumon là, il dérange. Dans 2 Pierre chapitre 2, si vous lisez le verset 7, faisant suite à ce qu'il va dire à partir du verset 1, il y a eu parmi les peuples des faux prophètes. Il y aura parmi vous de même des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Puis il dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Là maintenant, l'apôtre va commencer à donner les exemples. Verset 4 particulièrement. Qu'est-ce que ça dit, mon cher, le verset 4? Le verset 4, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, oui, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, oui, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme jusqu'à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Amen. Amen. C'est bien planté, maintenant pourquoi on parle encore pendant 2 heures et temps. La Bible nous explique là-bas, pour dire les modèles d'impureté, des fausses doctrines que les prédicateurs, parce qu'on commence sur les prédicateurs et on introduit que ce n'est que la semence de ce qui a été dans l'ancien monde. Donc, c'est eux qui pervertissent la vie sur la terre. C'est la résultante de ce qui pervertissent la vie sur la terre. Et on nous explique ici que, 1, 2 mondes ont été. Le monde de Noé. Dieu a sauvé 8 personnes. dans tout le monde entier. 8. Il a sauvé. Puis là-bas, il dit, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les justes. C'est ça, n'est-ce pas? Et réservé les injustes, les impies, pour être punis au jour du jugement. Puis on dit, ceux surtout qui courent d'après la chair et qui méprisent l'autorité. Donc, ceux-là sont dans les grandes catégories de ceux qui sont punis après Dieu. Et là, nous voyons effectivement dans le cas de Sodome qu'on a dit, qu'on a de voir à la destruction, comme Dieu nous a montré dans le livre de Genèse, que c'est parce qu'il s'est livré dans les plaisirs charnels infâmes. Dieu appelle ça, dans le livre de Lévitique, chapitre 18, le verset 22, il dit c'est une abomination. Ou mieux, une horreur. Vous y avez moi? La Bible nous insiste là-bas que Dieu s'est délivré de l'épreuve les justes, un, de côté, de l'autre côté, réserver les injustes, les impies, pour être punis au jour du jugement. C'est-à-dire, quand Dieu entre en contestation et en jugement sur la terre, il connaît ceux qui lui appartiennent. Il n'est pas quelqu'un qui puisse mélanger en disant que j'ai fait l'erreur en frappant ceci. Quand il veut frapper, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 9, avant qu'il n'entre en scène pour frapper, il ordonne d'abord aux anges que passe d'abord dans la ville et marque du front des serviteurs du Seigneur ceux qui soupirent chaque jour à cause de cette iniquité qui se passe. Il dit, marque-les de front. Quand il va finir de marquer, maintenant, l'ange va dire, oh, on a fini le marquage. Si tu as fini, il dit à l'autre ange, passe dans la vie, frappe ceux qui n'ont pas la marque. Donc, Dieu amène la correction, corrige d'abord ses enfants par les différentes épreuves qui nous viennent, dont nous murmurons souvent. Nous ne comprenons pas qu'il nous corrige comme ça pour que nous arrivions à la sainteté et qu'on ne soit pas condamné avec le monde. Dieu use donc les épreuves pour nous corriger, pour nous diriger, afin que nous ne tombions pas dans le même piège. La Bible nous va plus loin en disant qu'on doit acclamer quand Dieu fait cela, parce que c'est comme des fils qui nous corrigent. Il nous corrige pour notre bien, pour que nous participions à sa sainteté. Donc quand Dieu te corrige, c'est déjà une grâce. Amen. Tu vis dans le péché, il te réprimande, c'est déjà une grâce. Parce que d'autres vivent dans ce péché-là, il n'y a personne pour leur dire que tu vis mal. La sentence sera un jour, on va le frapper. Avez-vous vu quelqu'un aller à Sodome et Gomorrhe pour prêcher contre l'homosexualité? Voici les prédicateurs aujourd'hui prêchent contre l'homosexualité. On dit qu'on dérange. Les gens de Sodome et Gomorrhe, Jésus dit, cette génération, ils vont se lever, condamner cette génération. Cette génération, il y a eu les prédicateurs pour leur dire, arrêtez ça! Ça, c'est une abomination. On dit en Europe que si tu dis ça, une abomination, tu vas payer les amendes. Pourquoi tu peux appeler un acte délibéré dont les gens sont... C'est leur orientation sexuelle. Tu dis que c'est une abomination. Dans ce cas, il faut qu'on t'enferme. Tu n'es pas digne. On dit que tu es homophobe ou bien xénophobe ou les autres phobes qui peuvent dire. Mais la Bible déclare que dans cet état des lieux, dans le Sodome et Gomorrhe, il y avait un homme à l'intérieur. On dit qu'il était profondément attristé. J'arrive là maintenant pour qu'on voit le sujet qu'on va voir. Il était profondément attristé. Ça veut dire que son cœur n'était pas en joie avec ce qu'il voyait. On dit, il tourmentait journellement son âme juste, parce qu'il voyait et entendait. Donc ce qu'il voyait et entendait avait des incursions dans son âme. Ça le tourmentait. On dit, par la conduite criminelle de ces hommes sans frein. Aujourd'hui, quand nous constatons le mal aux côtés de nous, quelle est notre réaction? Romains au chapitre 1, les versets 26, 27, 28 et 29 nous disent non seulement il approuve ceux qui commettent de tels actes dans l'homosexualité, ils approuvent. Dieu a déjà dit que la sentence pour ces gens-là, ils sont dignes de mort. Mais aujourd'hui, il y a les avocats qui défendent l'homosexualité, défendent les homosexuels. Dire qui sont nous pour juger. Alors qu'on doit dire aux gens que Dieu a déclaré que cet acte-ci, la Bible déclare ces deux pierres, que le fait que Dieu les a condamnés, c'était pour donner l'exemple. Donc Dieu envoie comme ça la nouvelle pour dire, oh, vous, devant, vous faites le même acte, voici la sentence. Donc Dieu a déjà dit, on peut donc dire, étant clair, sachant quelle est la sentence. Vous y êtes? Je vais donc convoyer le thème, quelle est notre conduite dans un monde de péché, notre comportement face au péché. C'est ça dont on va voir maintenant. Notre comportement face au péché. Ou mieux encore, notre comportement au milieu des pécheurs. C'est l'autre qui nous a donné l'enseignement. Au milieu des pécheurs, la Bible déclare que son âme juste était tourmentée. Quelle est notre réaction lorsque les gens autour de nous vivent ainsi? Sommes-nous prêts à qui dit, oh Seigneur, délivre-nous, délivre-nous. Souvenez-vous dans Ézéchiel chapitre 9 dont j'ai parlé, la Bible déclare qu'il y avait des gens dans la ville, malgré l'idolâtrie qui s'y passait, malgré toutes les choses qui avaient été perverties, la Bible déclare qu'il y avait des gens qui soupiraient. Donc en réalité, l'homme n'a pas de solution seul pour s'en sortir dans le péché, n'est-ce pas frère? Même la personne qui est juste au milieu bagarre avec son âme pour s'en sortir. La Bible dit, si le juste se sauve avec peine, l'impie, que deviendra-t-il? Puis il dit dans ce livre de 1 Pierre, il dit c'est l'heure où le jugement va commencer par la maison du Seigneur. Et elle continue en disant, et si ce n'est pas nous, la maison du Seigneur, nous, que le jugement commence, que deviendront donc les impies et ceux qui ne connaissent pas l'évangile? Vous suivez, frère? Amen. Mais il nous a rassuré là-bas dans ces 2 Pierre que le Seigneur sait délivrer les justes. Donc Dieu n'a jamais été injuste, il n'a jamais eu un juste qui a fait appel à lui sans être secouru. Vous y êtes? Amen. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Dans Daniel au chapitre 3, dans Daniel chapitre 6, puis dans Daniel chapitre 12 dont je vous ai donné, nous voyons dans le chapitre 3 l'histoire des 3 hommes, Abednego, Shadrach et Meshach. Vous savez tout bien cela. Au milieu des persécutions, au milieu d'un peuple païen, étant emprisonnés là-bas, étant captifs et esclaves, ils ont tenu ferme vis-à-vis de la loi de leur Dieu, étant en territoire ennemi. Donc, on n'a pas d'excuse pour dire qu'on est dans le monde. Eux, ils étaient dans le même territoire que nous sommes. Bien plus, ils étaient soumis à des contraintes qu'ils ne peuvent pas décider parce qu'ils sont esclaves. Maintenant, nous sommes dans le monde, nous avons encore la liberté de nous mouvoir. Là, ils étaient forcés parce qu'ils devaient faire ce qu'on leur demande de faire. Et là, un de ces jours, on a érigé une grande statuette pour dire, voici la façon d'adorer ceci, ici dans le monde. Voici la norme du monde, comme on nous fait maintenant. Le monde, avec ses attraits, ils ont fixé des normes. Pour eux, ça semble être bon, parce que lorsque, à Babylone, on a fixé cette statuette, personne de Babylone n'a trouvé à redire, parce que c'était normal pour eux. Ils ne connaissent pas ce qui est bienséant. Ils ne connaissent pas la crainte de Dieu. Ils ne connaissent pas ce que Dieu peut aimer. S'il y a même un Dieu qui réprimande cela. Parce que s'il y avait cela dans leur cœur, ils poseraient la question pour savoir si ce qu'ils font est agréable à Dieu. Ils ont juste fait ériger là-bas. Mais des gens qui connaissaient Dieu savaient que c'était contraire à sa volonté. Vous y êtes? Amen. Sur des millions de personnes, il y en avait 3 qui ont décidé, coûte que vaille, d'honorer Dieu, même si s'agissait de donner leur vie pour tenir ferme. Au milieu de cette puissante armée satanique qui était dressée là-bas, se trouvait l'enjeu de faire confiance au Dieu qu'on ne voit pas face au châtiment probable qui est visible et instantané. Là, à Babylone. Je recommence encore. Au milieu de cette fougue de l'armée des cohortes démoniaques qui étaient déchaînées contre la loi de Dieu, se trouvaient positionnés des hommes dressés au milieu de cette fournaise satanique. Des hommes dont l'enjeu était la renommée du Dieu Tout-Puissant et aussi le test de la foi en un Dieu qu'on ne voit pas. Il fallait tenir. Rien ne signifiait là que si on te brûle, on te coupe la main, il va te faire quoi que ce soit. En fait, on ne l'a jamais vu. Mais pourtant, il faut lui faire confiance. Regarde, quelqu'un dit, comment te comportes-tu au milieu des païens? Touche quelqu'un quand il dort, touche-le. Maintenant, je vais vous faire quelque chose. Vous devez être les gendarmes de votre voisin. D'accord? Soyez les gendarmes de votre... Si vous dormez ensemble, arrêtez-vous les mains, vous dormez ensemble. Vous savez que là, vous vous noyez à deux, d'accord? Comme par exemple, ici, les 4 s'y dorment. Si celle-ci suivait celle-ci, si celle-ci suivait celle-ci, ils vont se mettre les mains comme ça, ils vont dormir ensemble. Donc, soyez les gendarmes de vos voix. Ouais. Donc, si quelqu'un d'autre, tu vois, tu dors. D'accord? Voilà, suivez attentivement. Je dis, transportons-nous à Babylone. Nous sommes dans Daniel chapitre 3. Alors que cette immense statue est dressée, que tout le monde entier, à l'issue de la trompette des satrapes, il suffit de faire comme ça. Il suffit de faire juste comme ça là. Et s'élever, on ne te crée pas de problème. Voilà cet acte qu'on veut. On dit que lorsque les satrapes vont sonner, lorsqu'il y aura le son de Chalomon, lorsqu'il y aura le ceci, que toutes les nations sur lesquelles la domination du roi de Nebuchadnezzar s'exerce, qui se prosterne. Se prosterner, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Mettre les genoux par terre, puis t'élever. Et là, frère, on te donne un poste au gouvernement. Trois personnes se sont tenues là. Quand tout le monde s'est prosterné, on a fait plus, tout le monde s'est baissé. Mais un autre s'est levé là, il y a trois gangourians là qui se trouvent debout. Il dit, merde. Vous sautez d'où? Alléluia. Pointe le nez de quelqu'un et vérifie qu'il ne dort pas. Pose-lui la question, que ferais-tu dans de telles situations? Maintenant, la dangerosité de leur acte se situe au niveau où, là, tout près d'eux, se trouvait la sentence instantanée. Et là, loin d'eux, se trouve un Dieu invisible dont on a confiance sans voir qu'il puisse entrer en contact et les sauver instantanément. Voilà l'enjeu de notre foi. L'enjeu de notre foi, bien-aimé, c'est que nous sommes en territoire ennemi, sans bague de protection, sans balle, sans gilet pare-balles physique. Tout ce que nous avons, c'est un cœur qui fait confiance en un Dieu invisible et une bouche qui est là pour gueuler au nom de Jésus. Amen. C'est seulement ça que nous avons. C'est seulement ça que nous avons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es sûr qu'en disant comme ça, le ciel dit que, oui, qu'est-ce que tu dis sur la terre au milieu de l'ennemi? Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Parce que je vous ai choisi du milieu du monde. Parce que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Donc, frère, quand vous sortez comme ça, vous voyez quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui regarde comme ça là. Le regard, ça veut dire que j'étais hait. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est Jésus qui dit ça. Quand tu peux acheter du poisson vers quelqu'un qui ne croit pas, quand tu fais comme ça, quand tu regardes comme ça là, c'est Vincent. Il veut dire que tu fais mieux de quitter ce monde aussi rapidement. C'est ce que Jésus nous dit là. Il dit, parce que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à. Et par conséquent, il faut faire comme eux. Quand tu fais comme eux, on dit, voilà. Dans 1 Pierre, on dit que aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous livrez plus au même débordement que vous aviez autrefois. Toi, tu racontes quoi des histoires, on était en boîte la nuit hier. Maintenant, tu dis, je crois, je suis pas en boîte, quelque chose ne va pas chez toi. Et ils vous calomnient. La Bible déclare, ils rendront compte à celui qui est prêt de juger les vivants et les morts. Alors, tenons-nous avec Abednego maintenant. Vous y êtes? Amen. Approchons-nous maintenant vers Nebuchadnezzar à Babylone. On va ensemble. Amen. La question que je vous pose, c'est, si la trompette sonne, si on regarde parmi les gens qui sont debout, serez-vous debout? Amen. Vous dites amen, vous tout le monde? Amen. Je vous lance donc juste un défi maintenant. Alors que se dresse en plein consentement maintenant, la puissance du sommeil pour empêcher d'écouter la parole de Dieu. Il vous tient ferme là. Tenez ferme de résister pour dormir. Amen. Là maintenant, essayons. Amen. On va rester un instant seulement calme. Là pour eux, on devait les tuer. Maintenant, on va seulement voir. C'est-à-dire que maintenant, le défi pour écouter la parole de vie est lancé contre la soif d'un certain repos de la chair sollicité par les cohortes démoniaques. On va voir tout autour. Suivez ton voisin. Ne suivez pas comme ça. Ne suivez pas comme ça. On va voir. Qu'est-ce que vous en dites là maintenant? Vous allez gagner quoi? Non, attendons seulement voir. Vous allez voir. Il va pointer les gens qui devaient dire à Abednego que tu crois que tu es trop religieux. Tu es né avant qui? Mets tes genoux par terre pour que vous avez pardon à Dieu. Allez. Amen. Il y a des gens qui devaient les vectoriser. Souvenez-vous de ceci, frère. On a amené à Babylone même les sacrificateurs. On a amené avec la loi. Pas vrai? Où étaient les sacrificateurs qui servaient Dieu? Tous. Quand on a dit, vous dites, prosterné, je me couche seulement. Après, il dit que le roi vit éternellement. C'est pas ça? Amen. Les pasteurs avaient fui le défi. Les pasteurs de cet ancien temps avaient fui le Shadrach, Meshach, Abednego n'avaient pas de titre. Ils n'avaient pas. Donc ce n'est pas ceux qui ont les titres qui vont tenir ferme entre les mains de Dieu. Amen. D'accord? Amen. Alors souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous de ces, on dit de ces trois jeunes gens. Vous êtes des jeunes frères? Alléluia. Trois jeunes gens. Dieu s'en fout des titres des sacrificateurs. La race d'Aaron avait disparu de la circulation là-bas. Vous avez entendu de la race d'Aaron là-bas en Babylone? Personne ne connaît. Ils ont entré dans le Sengo adoratique. Entendez. Si l'adoration était terminée, tu étais avec Nebuchadnezzar directement, n'est-ce pas? Vous avez vu, celle-ci a dit depuis que. Si c'est Dagon, je t'adore. Qu'on ne dérange pas quelqu'un. Dans l'obscurité, alors c'est trop grave. Ils sont nombreux là-bas. Le prophète dorme là-bas et dit, est-ce qu'il voit même mes yeux? Amen. On peut continuer. J'ai dit, veillez, s'il vous plaît. Il va prêcher ici. Vous avez dit jusqu'au matin, non? Alors, nous sommes encore dans Daniel chapitre 3. J'ai dit, allons à Babylone. On y va? Amen. Je pose la question, si toi et moi, nous étions à là-bas en ce moment-là, parmi toute la population, souvenez-vous, c'était la dédicace. Les grands sont venus de partout. Des gens qui ont étudié, les érudits étaient là. Ceux qui décortiquaient la loi, qui écrivaient, les scribes étaient là. Les filles de Sélécias, les filles de Jédoutoum, la race des sacrificateurs, Aaron, ils étaient tous là. Je pose la question, pourquoi ces trois jeunes gens sont qui sont tenus debout? Après, ils ont dit, vous là, vous sortez d'où? Je ne sais pas comment on est les juifs, mais parmi vous les juifs, vous êtes les trois juifs seulement ici. Il dit, si ceux-là veulent adorer, qu'ils a, c'est leur problème. Ils ont leur style de juif, féminité. Nous sommes les juifs de la Bible. Authentique. Dans notre ère, on dira que tu veux montrer que tu connais Dieu plus que qui? Les fanatiques comme ça, les extrémistes. Ça te sert à quoi? Si tu mets tes genoux par terre, tu fais comme ça là. Dieu ne doit pas comprendre. C'est comment tu meurs comme ça. Tu meurs comme un rien pour rien. Tout, alors que tu devais te mettre son genou. Exode chapitre 20 avait dit, tu ne te prosterneras point devant une idole, devant une image taillée. Quiconque fait ces choses-là, Dieu a dit clairement qu'il va le rejeter, non seulement lui, mais combien de générations? Donc, tu mets ton pied. Tu as amené ton enfant, l'enfant de ton enfant, l'enfant de ton enfant, et l'enfant, la dernière génération, quatre générations en enfer. C'est ce que Abednego a refusé de faire. Devant la confrontation que nous avons chaque jour pour tenir ferme à la parole, est-ce que nous glorifions Jésus par nos actes de position? Notre comportement au milieu du monde. Est-ce que nous défendons Christ par notre vie? C'est là que je suis allé, j'ai dit sur le thème que nous allons dire. La Bible déclare dans ces deux pièces que nous avons lues que l'autre tourmentait journellement son âme juste à cause de la conduite criminelle, de ce qu'il voyait et entendait. Quand il regardait ce qu'il faisait, il était dérangé, mais il était en plein au milieu, comme nous sommes en plein là au milieu. Les publicités, les chaînes Hollywood, mais c'est nous qui les félicitons. On a même acheté encore pour produire, leur donner l'argent que Dieu nous a donné. Nous achetons le CD des musiques mondaines. Nous mettons chez nous. D'autres sont ici comme ça. Ils ont des musiques. C'est P-Square. Depuis, vous appelez Chop Mamoni. You go Chop Mamoni. You go Chop Mamoni. Que le diable mange mon argent. Le diable mange mon argent que Dieu m'a donné. On envoie comme ça dans le téléphone pour écouter avec nos oreilles. Après, on adore le même Dieu avec la même bouche. La Bible pose la question. La source. Le robinet peut-il faire sortir l'eau douce et l'eau amère? Non. Soit ton cœur pour l'adoration de Dieu, soit c'est pour le diable. Dieu ne partage pas sa gloire. Non. Alors, Abednego et Shadrach, ils ont tenu ferme. Ils ont dit, nous préférerons mourir. On a dit, Nebuchadnezzar, viens, toi-même, vis éternellement. Viens être juge parmi ce qui se passe ici. Il y a des gens là que tu avais admis dans ton conseil, tu les fais confiance. On te disait que ce sont les gens qui, même si tu ne sais pas comment ils servent leur Dieu, tu n'as pas cru. Voici ça maintenant. On les a amenés à représenter cette tenue là-bas. Nebuchadnezzar, oui, est-ce des façons délibérées qu'on fait ces choses-là? Dit, oh roi, tu fais vivre éternellement, vie éternelle. Nous te respectons, nous faisons les mêmes propres tâches. Mais pour l'autre ici, là, fais comme tu veux, on ne peut pas te. Le roi, la Bible déclare que le roi fut enflammé de colère. Il dit que vrai, là, sonnez la trompette, je vois ces dénégations dans la tête. Ils sont restés debout là-bas, trois. Ils sont tenus debout, voilà. Les satans ont fait comme ils ont fait, popopon, popopon, pour guetter. Les gars, regardez comme ça, là. Il dit que roi, on n'a pas besoin. Écoutez très attentivement ceci. Ils disent, notre Dieu est capable de nous délivrer de tes mains. Et sache même que s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas de toutes les façons. Oui, c'est ça, frère. C'est-à-dire, ils n'ont pas confessé que par le feu, par les flammes de feu, je ferme les yeux, mon corps, je te vaccine contre les chauffages. C'est que quand on va te mettre dans le feu, tu vas savoir qu'on ne vaccine pas avec la gueule. Vous savez, frère, ils se sont tenus debout là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils croyaient à celui qui était invisible. Ils ont tenu ferme pour lui. La confession jusqu'à la mort. Amen. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec toi. Stop. Vous avez chanté, vous comprenez? En fait, la chanson là, c'est pour Abednego. Jusqu'à la mort, soumis à ta puissance. Stop. Soumis à quoi? Nous voulons mourir sous quoi? Je recommence encore. Alors, chez Nebuchadnezzar, vous pourrez accepter la mort là. Alors qu'il suffit de mettre le genou par terre et vous lever. Après, vous dites, Seigneur, pardonne-moi. S'ils avaient dit, pardonne-moi, Dieu aurait accepté. Qu'est-ce que vous pensez de toute la génération qui s'est prosternée? Pensez-y. Ils ont dit au roi que nous ne te répondrons pas, donc tu fais me réchauffer ton feu. Notre Dieu est capable. Je pose la question, sur quoi se basait-il pour avoir confiance en Dieu? Parce qu'il n'y avait pas de précédent dans l'Écriture. Je recommence encore. Il n'y avait pas de précédent, c'est-à-dire que dans l'Écriture, on ne voyait pas quelqu'un que Dieu est venu délivrer dans le feu. Ils sont les premiers. Sur quoi c'est? Vous avez tout dans la Bible maintenant. Si vous avez manqué de farine, vous savez que la veuve qui avait donné sa farine a fait, donc tu fais comme ça, tu fermes les yeux, tu donnes ce qui te reste en comptant que Dieu va te donner, parce que tu as vu. Quand la veuve de Sarepta faisait cela, elle n'avait pas de référence, elle ne lisait même pas d'abord la Bible. Elle n'était même pas de la tribu juive, pas vrai? Alors elle l'a fait naturellement. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, pour accueillir le prophète, et Dieu a honoré sa foi. N'est-ce pas, frère? Je recommence encore. Ceux-là n'avaient pas de référence. Il n'y avait pas de précédent dans la Bible. Dans la Torah, qui tenait dans toutes les mains, dans la Pentateuque, il n'était nulle part dit que voici telle personne que Dieu n'a jamais délivré dans le feu. Ils sont tenus là-bas, ils ont dit, nous avons un autre Dieu, autre que votre Dieu. Si cela se prosterne, c'est leur problème. Nous nous tenons fermes. Souvenons-nous, un, ils ne sont pas dans leur pays. Deux, ils sont des esclaves. Trois, Dieu n'est pas. Si Dieu voulait être à côté de lui, il pouvait dire que je me vends maintenant. Faites n'importe quoi, je n'ai pas me prosterner. Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas là physiquement, il ne pouvait pas le voir. Mais ils ont dit, nous ne nous prosternerons pas devant la statuette. Nebuchadnezzar a dit que, chauffez le feu combien de fois? Imaginez ce que les pentecôtistes réveillés qui étaient à côté, qui demandaient pardon à Dieu entre temps, ont dit, ça va bien faire pour vous. Ça va vous faire montrer que vous croyez que la Bible, on doit respecter ça à la lettre. Tu crois qu'Exode 20 voulait dire Exode 20? Tourne-toi, regarde quelqu'un encore. Dis Exode 20. Veut dire Exode 20. Ne pas se prosterner. Je dis ne pas se prosterner. La statuette. L'image taillée. C'est vraiment ce qu'ils avaient devant eux. Mais aujourd'hui, les Perses. Non, pas l'autre là. Mais aujourd'hui, vous savez, ça veut dire que vous dormez vraiment, vous suivez. Mais aujourd'hui, les gens se prosternent devant des images taillées, non? Ça ne fait pas. Quand il dit que peut-être qu'il va quitter un Simalin, il dit que c'est loin. Il achète l'autre mère à la maison, non? Exode va changer. Alors, je pose la question. Quel est notre comportement vis-à-vis du monde, vis-à-vis du péché? S'il faut tenir ferme devant une loi de Dieu, est-ce que nous balayons la parole en disant que Dieu va comprendre que je ne suis pas seul dans ce cas? Si tu vas dans ce cas-là, souvenez-vous que l'enfer est assez grand pour remplir tout le monde. Donc, il n'y a pas d'endroit où on va dire que non, on manque de place. On dit que non, comme tu, il n'y a pas de place, on te met maintenant au paradis. La Bible déclare qu'il y a des choses qui sont insatiables. Les yeux qui voient sans se rassasier. La femme qui n'a pas d'enfant qui dit donne. L'abîme, le séjour des morts qui ne fait qu'avaler les gens. Depuis tous les gens qui sont passés sur la terre, ils ont avalé. Vous avez vu, il est rassasié. Réponds encore quelqu'un dans le nez. Dis que sache que ton corps est combustible. Et le séjour des morts est chaud pour brûler. Amen. Dans le dernier chapitre 6, non, finissons avec ce dernier chapitre 3. lorsqu'ils ont tenu ferme au milieu de la tribulation, ils ont honoré Dieu, Dieu les a honorés. Mais ils ne comptaient pas totalement sur Dieu instantanément. Parce qu'ils ont dit au roi, sache que nous ne t'obéirons pas, parce que même si notre Dieu ne nous délivre pas. Donc, il y avait une probabilité qu'ils entrent dans le feu, une sorte, c'est ça frère. Dieu a voulu les honorer là-bas pour montrer à celui-là, à celui-là et tous ceux qui sont prosternés, qui connaissent, comme on a vu dans ces deux rois, deux Pierre chapitre 2, que le Seigneur sait délivrer des épreuves les justes. Voilà la preuve qu'il nous a donnée. Quand il fallait détruire Sodome et Gomorrhe, il a envoyé les anges de base enlever l'autre qui était tourmenté. Quand l'autre était tourmenté, généralement, il marchait partout au champ, il faisait tout ce qu'il faisait. Est-ce que les êtres humains sur la terre pouvaient savoir qu'il est juste? Mais au ciel, il y avait un témoignage par rapport à son âme, parce que Dieu voyait les désirs de son âme. Il voyait comment son âme se comportait. Par conséquent, le moment de tribulation, frère, tu vois ton voisin. Est-ce que tu veux suivre? Tu as suivi ce qu'il a dit de toi, frère? Il a dit, tu te prosternes devant le roi de Nebuchadnezzar. il t'a livré. Amen. Alors, la Bible déclare, le roi a ordonné que comme si vous voulez me souiller, pour dire que c'est que les statues que j'ai fait, il dit lui-même que les statues que j'ai fait, ce n'est pas le Dieu. Je vais vous mettre dans le feu là et vous allez me montrer le Dieu qui va vous délivrer de mes mains. N'est-ce pas frère? La Bible déclare qu'ils ont chauffé le feu 7 fois que ce que ça ne chauffait. Donc si c'était 100 degrés que le feu chauffait normalement, 7 fois ça va être combien? 700 degrés. Donc si le feu c'était d'abord normalement 100 degrés, 7 fois ça veut dire 700 degrés. La Bible déclare en réalité, on les a pris, liés par le caleçon, attachés avec le caleçon. Même si tu voulais débattre, que ça te brûle bien, ça que tu ne fais, aïe, aïe, aïe. La Bible nous enseigne que ceux qui les ont pris pour aller jeter dans le feu les a brûlés parce que tellement l'ordre du roi était excessivement, parce qu'il était dans la colère. Donc, les personnes qui ont tué, emportant les juifs, pour jeter là-bas les trois jeunes gens, pour jeter dans le feu les a tués. Ils sont tombés dans le feu. Je veux que vous compreniez que la Bible, votre Bible, la parole, déclare que les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Donc, ils suivaient tous nos voies. Dans 2 Chroniques, chapitre 16, le verset 9, la Bible déclare que les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour soutenir tout ce dont le cœur est tout entier à lui. Donc, il ne suivait pas n'importe qui. Il veille sur l'âme de ses serviteurs. Il veille, dit la Bible. Aucune chose ne arrive sans qu'il n'ait ordonné. Vous y êtes? Vous suivez quelqu'un que quelqu'un ne donne pas d'accord? Maintenant, la Bible déclare que lorsqu'ils sont entrés dans le feu, ils ont attendu, waouh, waouh, waouh, ils n'ont pas entendu. Le roi guette dans le feu. Il devait dire que, non, quand tu veux dans le feu, subitement, tu commences à devenir comme le singe, comme le macaque. Tu sèches, et puis, subitement, tu veux. Souvenez-vous, on avait multiplié le chauffage par 7. Il regarde, il dit, Hajok. Il dit que oui, bon, on va vivre éternellement. Il dit que ce sont les êtres humains que vous avez jetés là-dedans. Il dit oui. Les trois jeunes gens m'ont représenté ici. C'est les êtres humains normaux. Il dit oui. Combien vous avez jeté là-bas? Il dit trois. Moi, je vois combien. Il dit à ton voisin, Dieu est toujours présent. Amen. Dieu est toujours présent. Parce que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il s'est rendu visible tout simplement. Il s'est rendu visible tout simplement. Il peut être à côté de vous. Vous ne savez pas que lui, il est là. Les disciples dans Luc chapitre 24, ceux qui partaient à Emmaüs, ils ont marché avec Jésus, n'est-ce pas? Savaient-ils que c'était le Seigneur Jésus là-bas? Il pose la question, il dit que, mais j'ai Wanda sur toi, hein? Tu es le seul qui essaie à Jésus. Quand il parle, il regarde qui? La Bible déclare qu'il fallait le chemin, il dit que, mais je suis dépassé. L'autre dit quoi? C'est quoi que le passe? Il dit, mais Marguerite, il a fait le miracle. Comment il a pu le laisser mourir comme ça? Il dit que moi-même, je t'ai dit. Vrai, il a vraiment fait le miracle, mais je rêve seulement. L'autre dit, griffe-moi un peu, voir. Il griffe. Il dit, mais. C'est vrai, il dit oui. Il n'a pas ressuscité Lazare, il dit il a ressuscité. Comment lui n'est pas sorti de la cour, comme il avait dit, il dit, mais ils sont dépassés, ils marchent, ils rentrent. Écoutez, il quitte Jérusalem, la ville du grand roi, pour aller à Emmaüs, dans la ville du refuge. Donc il régressait. Jésus dit non, vous n'allez pas régresser. La Bible déclare qu'il vient, il marche avec eux. Il marche. Il dit bonsoir, mes chers amis, il dit bonsoir, mon type. Il dit, vous allez où comme ça, le visa tout spécifique de toi, quelque chose ne va pas chez toi. Tu ne sais pas ce qui est arrivé. Il dit quoi donc? Il dit, mais ce gars, c'est une blague avec les gens. Il dit que ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme puissant qui était, il faisait des miracles parmi le peuple. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il dit, mais je dis que toi, tu viens d'arriver dans la Jérusalem, alors que tout le monde est au courant. Frère, il parlait à qui? Quand il parlait, quand il l'a trouvé comme ça, il marchait à deux. Jésus, la vie de cas, subitement, il est venu parmi eux. Quand il a dit bonsoir, ils n'ont pas regardé. Ils ont regardé certainement. Et même si vous admettez qu'il n'a pas regardé, il n'a pas regardé. Ils ont quand même regardé parce que tu ne peux pas marcher comme ça, vous êtes deux. Quelqu'un vient chez Jésus et dit bonsoir, vous ne le regardez pas. Après, il dit bonsoir. Après, quand ils sont étonnés, ils doivent le regarder encore. Mais celui-ci, toi, tu sors d'où? Alors, il pose la question à Jésus. C'est à Jésus qui pose la question. Il dit, es-tu seul, le seul qui s'est joué dans cette journée, ne sachant pas ce qui est arrivé? Il dit, quoi donc? Il dit, ce qui est arrivé à Jésus-Christ de Nazareth. Puis il dit, ô homme qui est lent à comprendre ce qu'on dit, à croire ce qu'on dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit et qu'il entra dans sa gloire? Jusqu'à ce qu'ils ne sont pas celui. Il devait se poser la question, qui a de parler des choses bien comme ça? Mais là, leur cœur commençait à prendre un certain goût. Mais ils ne comprenaient pas qui il était là-bas. Ils ont marché, frère, ensemble. Allaient s'asseoir sur la table. Il était là, face à face, ils mangeaient. Frère, il a fait dans leur âme. Il a dit, c'est qui c'est bon? Quand il a dit c'est qui, il a disparu. Il était avec qui depuis qu'il marchait? Avec qui, frère? Donc, quand l'assemblée a eu lieu à Babylone, le Seigneur Jésus était à côté d'eux. Il s'est rendu visible dans le feu. Si j'avais lu la Bible de la bonne façon, dans le livre du prophète Isaïe, il était prévu, au chapitre 43, verset 1, 2 et 3, que si c'est dans les eaux que vous allez, on va nager ensemble. Vous n'allez pas boire de l'eau. Si c'est dans le feu, je vous rencontrerai là-bas. Il n'a pas dit que lorsqu'on va vous attraper dans le feu, il va briser les mains des gens là. Il dit qu'il va vous trouver dans le feu. Mais il va falloir tenir ferme pour qu'on puisse t'envoyer dans le feu. C'est la question que je pose. Est-ce que nous pouvons tenir ferme jusqu'à ce qu'on nous mette dans le lieu de tribulation et qu'on patiente? La Bible déclare, heureux ceux qui souffrent patiemment. Donc tu souffres, tu es dans la patience. Tu n'envoies pas le feu. Que j'envoie le feu sur mes persécuteurs, brise les dents, père. Et tu parles dans où il y a David, a dit que crève les yeux. Tu dis, hé, même David a prié comme ça, envoie le feu là-bas. Non, c'est pas comme ça. Vous y êtes? Amen. Ma question ce soir, c'est que si vous avez été devant les gens là-bas, est-ce que vous pouvez être parmi le quatrième, vous pouvez être ajouté au toit là, pour résister et entrer dans le feu? Le feu n'est pas le lieu de rassemblement pour adorer, le feu est toujours à côté. Vous dites, pourquoi tu, quand tu vous vois comme ça? Ou bien, vous restez chez les Arabes, maintenant, alors que nous nous trouvons là-bas. Les Arabes extrémistes. Et quand on met les chrétiens en rêve là-bas, on avance doucement. On dit, toi, chrétien, porte celui ci tu portes mais là-bas. On coupe le cou, on se dit, tchang, on te regarde bien. On essuie le sang là-bas. On dit, tu disais quoi de Jésus? Quand tu vas guetter, on va dire, est-ce que le pasteur est là? Je n'ai jamais été là-bas. J'ai passé seulement avant qu'on a dit que je suis chrétien. Allah, Allah, Allah, Allah. Et si vous faites comme ça, on coupe quand même votre tête, vous êtes où? Le Seigneur a dit que quiconque me régnerait devant les hommes, je le régnerai devant les anges et devant le Père. Pas vrai? Amen. Au Nigeria, il y avait, lorsque ça chauffait à Maguedori, avec les extrémistes qu'il y avait là-bas, il y avait des problèmes entre les musulmans chrétiens. Enfin, ils appellent tout le monde chrétien. Donc quand tu es pas musulman, tu es chrétien. Ils brûlaient dans tous les. Quand on allait dans les maisons, on brûlait. Suivez quelqu'un. Un jour, donc, il y a des groupes de personnes qui ont stoppé une voiture, sorti les gens avec les machettes partout, avec les armes. On a sorti, on a dit que chrétiens, mettez-vous de ce côté, si musulmans, mettez-vous de ce côté. Il y avait des gars là-bas qui étaient dans l'église catholique, au là-bas, les pentecôtistes, qu'on vit, on sait que le visage de ceux-ci sont comme les musulmans. Là, j'ai revu le camp musulman. Parce qu'ils savaient que là, c'est terrible. Parce qu'ils vont les traiter. Vous savez, quand les Boko Haram prennent les gens, ils vous donnent pas le lait. Mais c'était pas le Boko Haram, c'était des coupeurs des routes. Quand ils ont fini de mettre les musulmans d'un côté, les chrétiens d'un autre, ce qu'ils appellent chrétiens. Ils ont dit que tous ceux qui sont chrétiens, vous êtes sûr que vous êtes chrétiens tous ici? Il y a des gens qui ont quitté ici, là, comme ça. Ils disent que non, je n'ai pas bien entendu ta question. Comme si le camp des musulmans l'avait dit oui. Il a couru, il est allé là-bas. Mais on dit, vous les chrétiens, couchez-vous. Le gars de l'autre côté a dit, oh, ah, le chapelet qui s'est oublié. Après, il se tourne maintenant vers les musulmans, il dit, c'est vous qui dérangez ici, dehors. Toutes les guerres, si c'est vous. Le gars a dit que non, j'ai pas bien entendu ce que tu disais. Tu avais dit que ici c'est le camp de qui? Les musulmans ont dit non, non, non, reste là-bas. On t'a dit que tu étais musulman. On les a tous tués. La question que je pose, celui-là, il va où? La foi est vacillante. Mais regardez la foi d'Abednego, Shadrach et Meshach. Ils ont dit, c'est que tu poses, mon roi, tu ferais mieux de nous protéger dans le feu parce que nous ne te répondrons pas là-dessus. notre Dieu est capable de nous délivrer de tes mains. Sur quoi compte-t-il, frère? Ils sont à Babylone. Ceux-là, les gardes du corps, il suffit de l'ordre d'un roi pour te faire périr. Enfin, il a monté là-bas. Mais la Bible déclare dans Daniel chapitre 2, le verset 20 et 22, que Dieu agit ainsi afin qu'on sache que le Très-Haut domine dans le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Tu sais ce que Nebuchadnezzar s'est dit, non? Pendant que vous allez même dormir comme ça, vous allez vous retrouver à Babylone. Vous allez voir vraiment ce qu'il en est là-bas. Je crois que quelqu'un va crier, « Waouh, Seigneur !» Quand tu as ta pente, vous l'entendez dans le feu. Vous ferez mieux d'ouvrir les yeux pour voir vraiment, écouter les paroles de vie. Daniel, son tour arrivera. Une autre chose maintenant, ce sera une loi contre la parole qu'il vit. La Bible déclare qu'il était au service du roi. Il était même le troisième même du royaume. C'est ça, frère? Amen. Malgré qu'il servait ainsi, la Bible déclare que ses ennemis cherchaient chaque jour pour voir s'il va corrompre. Rien de tel. S'il vient en retard au travail, rien de tel. Il était irréprochable dans son travail séculier. Bien entendu encore, il était assidu, intègre et perpétuellement devant Dieu dans l'adoration. N'est-ce pas, frère? Il ne coulait pas la sueur en parlant en langue. Il ne criait pas chaque soir que nuit de prière. Non, il était constant dans son adoration et son intimité avec le Père. Il était esclave dans un pays étranger. Ça n'a pas empêché qu'il adore. C'est ça ou c'est pas ça, frère? Voilà. Alors, il s'est tenu là-bas. J'ai vu le cas de son ennemi. Ses ennemis se sont réunis un jour, ils ont dit, lisons nous aussi la Bible pour savoir vraiment ce que les gens là croient. Ils ont lu toute la Bible. Ils ne lisent pas la Bible dans l'optique de se convertir, mais de savoir comment piéger l'autre. Vous sondez les Écritures, croyez en avoir en elle la vie. C'est elle qui rend témoignage de moi. Donc l'ennemi lit la Bible pour vous coincer. Alors ils se sont dit, nous ne trouverons aucune défaillance, aucune faille dans la vie de Daniel, à moins que ce ne soit dans le livre de son Dieu. Donc, allons dans ce livre convoitu. Il dit, ah, tu ne différeras point de m'offrir des prières. Ah, ok, on va l'empêcher maintenant de prier. Donc, une loi maintenant, c'est empêcher de prier. Ah, oh, Nebuchadnezzar, nous t'aimons beaucoup, hein. Oui, sors-nous un décret. Tu vois très bien que tu, la façon que tu as fait le royaume, qui doit tout sur la terre comme toi, il dit, personne. Il dit, oui. Écris un décret express que si quelqu'un tente de prier à notre Dieu autre que toi, c'est que ce gars-là est mort. Il dit, mince, hein, Darius, c'est comme ça, oui. Décret numéro 1, article 1. Quiconque, dans l'espace de 30 jours, va prier. Si tu dis, tu fermes tes yeux, même si tu n'as pas pensé, dis Seigneur Darius, toi qui es notre Dieu, qui nous a sauvés dans tout le royaume. Vous pensez qu'un croyant puisse dire des bêtises comme ça? Le décret avait été signé. Le décret avait été signé. On a oublié. Et quand la bague du roi, le sceau, quand il mettait son cachet, pam, ça montre que c'est irrévocable. Ça veut dire que comme il a signé, là, c'est signé. Quand ils ont fait comme ça, les gars ont frotté la main. Ils ont plaqué l'autre que dans l'entrée de la ville et dans la porte de Daniel. Quand Daniel entre comme ça, il dit, décret numéro 1, tu ne pries pas dans cette tranche de Dieu. Daniel a commencé comme ça, que décret, tu parles. Il a avancé, allé dans la maison, il ouvre la porte en direction de Jérusalem. La Bible déclare que malgré qu'il a vu l'immuabilité et l'irrévocabilité du décret, il n'est pas craint de prier son Dieu. Donc ça n'a pas empêché son intercession. Il y a des gens... On dit que le ministre de l'administration territoriale, par le président, dit que vous cessiez de prier au nom de Jésus. Il dit qu'il prie d'abord au nom de Jésus. D'abord, est-ce qu'on a d'abord besoin de crier pour que Dieu entende? Ils ont peur de quoi, frère? Ils ont peur de... Fuyez la persécution. Vous montez, vous descendez. Si vous êtes de lui, il va vous réveiller par la persécution. La Bible déclare dans ce livre de Job, au verset 25, quand Job criait, il dit que c'est que je crains, c'est ça qui m'arrive. C'est que je redoute. Voilà ça qui venait. Donc, Job avait peur que de telles choses arrivent. Ça, finalement, c'est arrivé. Fuyez les persécutions, ne vous inquiétez pas. Ça va venir de toutes les façons. Vous avez les gens ont disparu de la circulation. Ce n'est pas l'enlèvement, ça. Il nous a dit que les gens vont sortir pour aller se coucher. Les gens ont disparu. Même la maman de la maison a disparu. Vous avez moi? À tout moment, si vous voulez qu'on arrête, on arrête. Alors, Daniel a lu le décret, il a continué à le faire parce que ce décret était contraire à la loi de Dieu. Nous voyons effectivement que chaque fois que les décrets étaient contraires à la croyance, les gens qui aimaient Dieu tenaient ferme et subissaient ce que la peine du décret disait. Donc, souvenez-vous, le décret est sorti sur toute la province où dominait la royauté. Pas vrai? Mais la recherche était de faire tomber un seul homme, Daniel. Donc votre foi sera mise à l'épreuve. Votre croyance sera mise à l'épreuve. Dans vos activités, dans vos journées, ça va, sera mise à l'épreuve. Et lors du moment où vous allez vous présenter quelque part, il va falloir donner 25 seulement comme correction. Votre foi, toi tu vas caler là-bas, tu vas dire seulement 25. On passe. Seigneur, c'est comme ça qu'on fait ici. Là, vous avez échoué. Suivez, frère. Amen. Je repose la question. Quel est votre comportement au milieu de cette génération perverse et corrompue? Lorsqu'il corrompt, vous corrompez, parce qu'il vit dans le péché. Vous vivez dans le même péché, alors vous ne pouvez pas être délivré comme le. Parce que Dieu a dit, il s'est délivré des épreuves, les justes, et réservé les impies pour être punis au jour du jugement. Amen. Amen. Lorsque le décret est donné, souvenez-vous, on s'en fout dans la province si quelqu'un fait quoi que ce soit. C'est l'auteur de la foi, celui qui a la foi là, qu'on est en train de chercher. Quelqu'un peut désobéir quelque part. On ne veut pas de lui. C'est celui-ci. Celui qui tient ferme au Seigneur Jésus-Christ, c'est celui-là qui sera persécuté. Quiconque veut vivre pieusement, sera persécuté. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Vous voyez que le prophète n'a pas changé même dans l'Ancien Testament. Maintenant, la Bible déclare, il priait. Ça veut dire que son heure de prière n'avait pas changé. Parce que la Bible déclare, quand les gens sont entrés tumultueusement chez lui, on l'a trouvé en prière. Donc il savait quand il priait. La Bible déclare, 3 fois par jour, il priait de la même façon. Donc il avait ses 3 heures de prière. Quand il quitte l'office, il venait faire le travail qu'il a fait. Il part à la maison. Il ouvre sa bouche en direction de Jérusalem. Il dit, Père, toi qui règnes et dont le nom réside à Jérusalem. Les gens ont ouvert la porte. Boum. Ah, ah! Daniel, on t'a pris la main dans le sac. Après, il dit, Daniel, roi d'Arius, vis éternellement. Il dit, c'est encore quoi? C'est pas toi qui as dit ici là que si quelqu'un veut prier, il prie vers toi. Toi, tu habites à Jérusalem. Il dit, non. C'est Daniel 6. Cet homme à qui tu as donné le pouvoir, on l'a vu, il a fait que la prière à Jérusalem. Il dit, hein? Oui. Et on lui a dit, là, c'est maintenant, on rappelait la loi, que d'après la loi de Metz qui est immuable, il faut qu'il soit châtié. La Bible déclare que le roi Darius a cherché par de moindres moyens. Il a regardé s'il y a les livres et la jurisprudence pour sauver Daniel. La Bible déclare, parce qu'il savait que ce n'est pas en vie que ces gens-là ont voulu le tuer. Donc le roi se voyait piégé. Parce que Daniel était intègre, droit, juste, mais on venait de le pousser à l'erreur pour qu'il tue. Mais sa loi dit, comme tu as signé là, tu dois décréter la mort. Amen. Le roi savait qu'il n'y a que Dieu qui peut intervenir et lui, Daniel, je t'aime bien, mais c'est la mort qui t'attend. Il a dit, puisse ton Dieu, que tu sais, puisse te délivrer. Donc le roi n'avait pas pouvoir, le roi qui dirige tout le pays avait déjà dit la mort. Il n'avait pas le pouvoir de changer parce que la loi est immuable. Si donc la loi des hommes est immuable, c'est-à-dire que quand l'homme dit, il ne peut plus changer, quand Dieu dit, il va te délivrer. Qui peut donc changer, c'est là aussi. Dis à ton voisin, fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Alors, on l'a amené vers la guerre, vers la fosse de lion, on l'a jeté là-bas. La Bible déclare que le roi n'a pas dormi toute la nuit. Toute la nuit, il dit, Seigneur, comment il veut faire? Comment il va faire? Il ne peut pas être tranquille. Et souvenez-vous, quand on a ouvert la fosse aux lions, Daniel allait s'asseoir. Les lions sont venus comme ça au vent. Les anges étaient tout autour de lui. On dit que tu es le roi des forêts. Tente de les toucher, tu vas confirmer. Les lions sont venus comme ça autour de lui. Que toi, si ta chair est même comment? On a fait ici. Tu n'es pas mangeable, comment? Je veux que vous m'expliquiez comment un être humain peut avoir une ferme foi au point d'entrer tranquillement sans demander la mort de ses ennemis, sachant ce qui est en train d'arriver en faisant confiance à Dieu dans la mort. Je veux que vous sachiez que ça, c'est une relation, un caractère bâti dans l'intimité avec Dieu, dans la persévérance. Mais aujourd'hui, quand on croit, on dit, Seigneur, je veux mon miracle. Je dis aujourd'hui. Savez-vous, c'est que ceux-là qui ont eu leur miracle, ont dû traverser comme moquerie. Mais nous voulons que ça aille vite aujourd'hui. Comme on a cherché le travail, on n'a pas vu. Il faut que Dieu opère le miracle pour que mes amis voient. Il t'a dit qu'il va te comparer à tes amis. Seigneur, donne-moi aussi mon enfant pour que je l'envoie aussi puiser l'eau. Depuis que tu n'as pas d'enfant, tu ne bois pas l'eau. Un frère, vous ne voulez plus parler. Daniel est entré dans la fosse au lion. Le matin est arrivé. Voici le problème. Il avait exécuté le décret. Donc, il avait mis la fosse au lion. s'ils sortent vivants, le décret est annulé. Même s'ils ne sortent pas vivants, le décret est annulé. Parce que là, il a quand même puni. On ne punit pas quelqu'un deux fois. Il est venu vers la fosse au lion. La Bible déclare qu'il parlait d'une voix désespérée. Daniel, ton Dieu que tu sais, avec persévérance, t'a-t-il délivré? Il dit que David vit des mains là. Vraiment, tu es là dedans, dit oui. Souvenez-vous de ceci. La Bible déclare que le roi ordonné. Il a continué notre décret, que c'est immuable. Que non seulement ces hommes-là, leurs femmes, tous ceux qui ont d'ailleurs mangé leur argent, dedans. Alléluia. Amen. La Bible déclare que lorsqu'on les a arrêtés, et lorsqu'on est arrivé chez eux, les lions sentaient déjà leur odeur. Ils n'étaient pas encore arrivés, donc on lançait comme ça, le lion ne trouvait qu'en l'air. Le Seigneur s'est délivré le juste et réservé les impies pour être punis au jour du jugement. Amen. Pouvez-vous faire confiance à Dieu au milieu de cette génération perverse et corrompue? Amen. Comment donc le faisons-nous chaque jour? Comment? Il y a des gens qui vont dire que non, mon âge passe déjà. Mais voici, tu vas au miroir, tu vois deux rires. Le troisième jour, trois rires. Tu dis, hey! Tu peux vérifier ton acte de naissance, tu calcules bien, est-ce qu'il veut même calculer? Tu vois 44 ans, tu dis, mais tu vas au miroir, un jour, tu vois quatre cheveux blancs, tu dis, mais. Seigneur, je me souviens de Sarah. Sarah, pour elle, avait tout blanchi. Sarah s'est regardée dans le miroir et dit que quand Dieu prophétisait là-bas, dans ses livres de Genèse là-bas, il a dit, si tu veux manger, tu manges, tu pratiques. Elle a guetté ses seins comme son miroir, et il me dit qu'il va avoir l'enfant. Même si l'enfant, quand j'ai les seins, va sortir dans cette sandalette-ci. Amen. Amen. Et toi, tu dis que Seigneur, tu te souviens de Sarah. Sarah avait avancé. Le Seigneur avait fait comme ça là. Amen. Amen. Mais on ne peut pas tenir ferme parce que on voit les autres. Mais voilà les enfants de tel qui s'est marié. Proverbe chapitre 16, verset 4 dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Amen. Donc, dis à ton voisin, ne te compare pas à quelqu'un. Ne compare pas ta vie à celle d'autrui. Ne compare pas ta vie à celle d'autrui. Vous n'avez pas même destinée. Ce que tu dois faire, c'est ce que la Bible dit. Allons dans Michée. Que notre Dieu vous bénisse. Amen. Aidez donc quelqu'un à trouver Michée. Sinon, le temps il va trouver Michée, là, le sommet va encore le prendre. Michée, prophète Michée. Vous pouvez oser vous avancer. Ou bien si ça vous dépasse, vous cherchez Nahum. C'est avant Nahum. Nahum est passé, le frère. Vous avez lancé qu'à ouvrir Osée. Mais vous ouvrez Ézéchiel, vous avancez. Vous avez traversé Daniel. Vous allez trouver Osée devant. Après Osée, vous allez trouver le livre du prophète Michée. Vous êtes dans le livre du prophète de Michée de Moréché. Allons au chapitre 6. Chapitre 6. On va lire le verset 8. La Bible déclare, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc Dieu a déjà dit ce que tu dois faire. Voici ce que tu as à faire. Pratique la justice. Tu marches humblement avec ton Dieu. Donc vérifie que tu es en conformité avec lui. Vérifie que tu chemines avec lui. Que tu es dans la voie qu'il a tracée. Que tu marches ou marches à la même longueur d'onde. Vous suivez, frère? Que Dieu vraiment vous bénisse. Ça ne veut pas dire que j'en ai arrêté. Ça veut dire que Dieu vous bénisse. Amen. Levons-nous, on chante encore un cantique et puis on s'assoit. Lévons-nous, Madame Tanier. Je n'ai c'est pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché? Mais je sais, lui je la dis. Il m'a sauvé dans son amour. Il n'avait pas sa main maîtrise. j'attends l'heure de son retour. Vous avez suivi ça? Hein? Je ne sais quelle est la figure des joies et des douleurs. Pour moi, faible créature, réserve mon sort. Mais je sais, quand j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Il m'a dépassé sa main meurtrière. J'attendais de son retour. Frère, il y a un jour où les gens auraient souhaité qu'il n'y ait plus de jour sur la terre. Ce jour, quand la trompette va sonner et qu'on va l'éviter et aller pour toujours. Ce jour, les gens vont regretter toutes les fois qu'ils ont rejeté le Messie. Ce jour, les gens auraient souhaité qu'un prédicateur soit là pour lui dire ce qu'il faille faire pour être prêt pour l'enlèvement. Il y aura un jour, il vient comme un voleur dans la nuit. Comme un voleur, nous sommes en train de prêcher maintenant. Il y a des gens qui sont des voisins qui sont en train de dormir. Dans un autre lieu, c'est le jour et les gens sont allés vaquer à leur occupation. Nous sommes ici maintenant avec nos cœurs convergents vers lui pour qu'il nous rectifie. La question c'est, est-ce que nous sommes prêts à l'honorer devant les situations difficiles qui nous poussent soit à obéir au monde, donc au prince, au Dieu de ce siècle, et à le désobéir, ou bien à tenir ferme et subir les cohortes, les fougues. La colère de l'armée en face, l'armée de Lucifer, vous êtes prêts? Amen. Veuillez vous asseoir, on continue donc. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans ce même livre de Daniel, au chapitre 10, il va prendre 21 jours de jeûne, il ne mangeait aucun mets délicat. L'ange va venir lui faire une déclaration que normalement doit faire frémir et secouer notre âme. Daniel, tu es un bien-aimé. Regardez la prestation du ciel. Tu es un bien-aimé. À cause de sa parole sur la terre, le désir de comprendre, Dieu a dépêché un ange dans le ciel pour descendre sur la terre, faire comprendre à cet homme-ci ce qu'il veut savoir. Nous sommes là sous la loi. On est au milieu du péché. On n'a pas le Saint-Esprit. Un homme vit, intègre, droit. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, mais le péché est à notre porte, couché chez nous. Réfléchissons. Qu'est-ce que Dieu nous servons? Réfléchissons pourquoi l'emprise du péché est énorme sur nous et sur eux. Pourtant, ils avaient que la loi. C'est que notre Bible aujourd'hui dit que c'était la lettre. Cette lettre, ils lisaient, ils gardaient. Nous avons la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus qui nous a franchi de la loi du péché et de la mort aujourd'hui. Mais nous déshonorons plus que les autres d'antan. Et cette même Bible nous informe que ceux-là auraient souhaité vivre plutôt à notre époque. Ils ont sondé par l'esprit de Christ qui était sur eux-là. L'époque était marquée par l'esprit de Christ et la gloire-là. On a dit que c'est non, vous n'êtes pas là. Et en fait, ce Daniel, si au chapitre 12 justement, on lui a dit que ce n'est pas pour ton époque, c'est pour l'époque de la fin. Va tranquillement, tu vas mourir, tu vas te lever pour ta récompense. Vous avez vu cela? Puis on donne maintenant une annonce pour ceux qui arrivent. On dit que dans ce temps-là, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles du ciel. Vous avez vu l'annonce qu'on a faite pour nous, frères? Je recommence encore. Vous êtes des privilégiés du royaume céleste. Amen. Jésus, quand il était sur la terre, a dit que quiconque aura observé ces choses-ci et enseigné à son tour à d'autres d'observer sera appelé plus grand dans le royaume. Mais quiconque n'observe pas cela et pousse les gens dans le même débordement, c'est-à-dire que enseigne aux gens par des flatteries et les filtreries, de ne pas vivre cela, celui-là sera appelé le plus petit. Vous voyez quelle grâce qu'il y a de participer à l'évangile. La Bible déclare que même les anges d'ici plongeaient leur regard. Regardez la vie d'Abednego, Shadrach et Meshach au milieu de ces païens. Regardez la vie de Daniel dans la persécution et dans le fou. Ne dites pas que non, je vais m'enfermer quelque part pour ne plus voir le contour du monde. Tu montes, tu descends, tu auras besoin de rire. Tu montes, tu descends, tu vas vouloir acheter le gaz. Prie, prie, prie. Si tu pètes même le gaz, on ne peut pas préparer la nourriture. C'est vrai que c'est le gaz, mais c'est des natures différentes. Donc tu dois sortir, acheter le gaz quelque part. Et en sortant, peut-être la fille qui va vendre ça, elle va se baisser, ses seins vont tomber. Je dis, ouais, c'est encore sorti ici. Nous sommes dans le monde. Tu dois affronter ça. L'autre était dans le monde, voyait ces choses-là, mais ne laissait pas que ça aide l'emprise sur son nom. Et on nous a donné la solution. Comment purifier nos âmes de ces choses-là, de ces guerres? Il dit, en obéissant à la vérité. Donc, en laissant la vérité avoir de l'emprise sur nous. Vous êtes prêts, frère? Donc, Daniel, lorsque l'ange vient du ciel, première annonce. Daniel, tu es un bien-aimé. Je crois que c'est l'alarme, ça, n'est-ce pas, frère? C'est ton heure de prier, frère. C'est l'heure de prier pour sortir pour aller chercher l'argent. C'est quel? Parmi les deux. Donc, tu t'es levé maintenant. Après, quand tu te lèves souvent, tu fais quoi? Va dans un coin-là, tu vas prier, frère. Va prier, va respecter ton heure, d'accord? Pendant qu'on a du va prier. Tu pries avec qui? Quand tu te la réveilles, tu vas dire que c'était prêt pour nous deux. Et tu, elle se lève pour vous prier. Allez donc prier à deux, d'accord? Respectez votre heure de prière. Que Dieu bénisse. Amen. Mm-hmm. Prie comme tu peux. On n'est pas avec toi, d'accord, frère? Entrez dans votre intimité. Tu es Daniel là maintenant. Alors, Daniel, lorsque l'ange vient vers lui, il dit, mais quand on apporte même, regardez, quand on apporte le café, tout le monde a les yeux ouverts. Chacun a les yeux ouverts pour être sûr que le café ne doit pas le traverser. Que Dieu vous bénisse. Comme il dit, non, comme ça, le frère a fait comme s'il ne s'intéresse pas au café. Donc tu es résistant. Dans l'obscurité, là, je vois seulement les yeux blancs maintenant. Tout à l'heure, il ne voyait pas les yeux. Vous avez moi, frère, que notre Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, vérifiez bien que vous buvez. N'arrêtez pas, amen. Vous risquez de dormir et verser cela. Alors, lorsque l'ange est venu dans ce chapitre 10 de Daniel, il dit, Daniel, tu es un bien-aimé. J'ai envie d'insister sur cette phrase-là pour que vous sachiez que ce que vous faites sur la terre, ça se discute sur vous en haut. Ça se discute sur vous en haut. Et écoutez encore très, mes chers frères, lorsque vous servez Dieu, quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez, même si vous ne voyez personne, on sait où vous êtes. Amen. Si Dieu veut vous trouver, il vous trouve là où vous êtes. Amen. Quand Corneille priait, aucun des disciples du Seigneur Jésus-Christ sur la terre ne savait qu'il y avait un Corneille quelque part. Il a délégué un ange du ciel. Il a délégué un ange du ciel pour aller vers Corneille. Corneille, ta prière et tes aumônes sont montées vers le Père et il s'est souvenu. Maintenant, voici la solution. Envoie à Joppé appeler un certain Simon Pierre. Il est logé sur un Simon, le corroyé, prêt en contigu, on va dire de la mer. Il est descendu. Il n'est pas allé dire à l'autre là que va à Corneille. Non, il a envoyé, on peut l'appeler. Je pose la question. Corneille savait-il qu'il pourrait avoir la visite d'un ange un jour? Non. Pointe quelqu'un, dit fais attention. Fais attention avec ta vie. Marche humblement avec ton Dieu. Marche humblement avec ton Dieu. Il a toujours prié. Il priait. Et un jour qu'il priait, l'ange est venu. Nous voyons la même chose dans le livre de Luc au chapitre 1, verset 5 et suivant. On dit qu'il y avait un homme qui était de la famille d'Abia. Vous savez, c'est Zacharie. Sa femme Élisabeth. Ils étaient avancés en âge. La Bible déclare qu'ils étaient justes devant Dieu, irréprochables dans l'observation de la loi. Donc, tout ce que Moïse avait dit, ils observaient cela. Mais Élisabeth, sa femme, malgré toute cette observation, était stérile. Il servait. Il fut appelé par le sort à entrer dans le temple pour offrir le parfum. Donc, il intercédait pour le peuple. Son propre problème n'était pas résolu. Mais, ce jour, il est entré là-bas. Subitement, à la droite de l'autel du parfum, il tenait un ange. Il a vu, il a commencé à dire que ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, là, c'est ton jour. Donc, quand vous priez, ne vous découragez pas. Amen. Ne vous découragez pas. Amen. Un jour, une rencontre et votre destinée spirituelle change pour toujours. Amen. Désirez sa présence. Amen. Désirez sa présence. Amen. Lorsque vous emmenez le monde dans votre cœur, vous devenez son ennemi. Lorsque vous amenez les désirs, les plaisirs du monde dans votre vie, vous devenez ennemi de votre propre âme. Lorsque vous amenez les pensées, les standards du monde dans vos vies, vous vous mettez vous-même le joug dans votre marche spirituelle. Donc, plus tard, il va falloir combattre pour vous en débarrasser. Qu'est-ce qu'il faut faire? pendant que vous en avez l'occasion, adorez le Seigneur. Pendant que vous en avez l'occasion, servez le Seigneur. Pendant que vous en avez l'occasion, explorez la vie en Christ. Pendant que vous avez l'occasion, méditez dans les Écritures. Les jours arrivent. D'autres personnes supplient seulement le Seigneur maintenant, alors que nous tenons. Qu'au Seigneur, j'entends cette parole de l'Écriture. Si vous pouvez avoir les yeux pour lire. Alors que l'âge est en train d'avancer et votre vision va commencer à baisser comme pour le prophète Akija. Prenez le temps de lire la Bible car pendant que vous avez l'occasion. Pendant que vous avez l'occasion, faites-le. Pendant que vous avez la force et la vigueur de servir le Seigneur, servez-le de toute votre force. Parce que le moment vient où vous allez commencer à avoir des courbatures, où le poids de l'âge va commencer à parcourir votre corps et où vous ne pourrez plus tenir 2 minutes pour méditer. Pendant que vous en avez l'occasion, priez avec le Saint-Esprit. Pendant que vous avez l'occasion, servez le Seigneur de tout votre cœur. Parce que le moment arrive où les troubles seront dans la ville, où vous n'aurez pas le temps pour l'adorer, mais pour chercher à voir et à fuir les problèmes. Ce n'est pas le moment de discuter avec le Seigneur sur pourquoi tu ne m'as pas sauvé, pourquoi tu ne m'as pas donné l'argent, pourquoi tu ne m'as pas donné. Ce n'est pas le moment. C'est le moment de servir le Seigneur. C'est le moment d'adorer le Seigneur. C'est le moment de laisser sa parole pénétrer notre âme. Je vous pose la question, si Dieu sondait ton âme aujourd'hui, qu'est-ce qu'il trouvera à l'intérieur? Est-ce qu'il trouverait une fondation sûre de quelqu'un dont, si Lucifer vient discuter avec lui, il dit, voici telle personne, s'il ne peut pas lutter contre moi sur la terre. Il peut tenir ferme si tu viens le tenter. Vous savez, mon frère, bon appétit. Bon appétit. L'ange est descendu ce jour-là. Il a dit, Daniel, tu es un bien-aimé. Puis l'ange dit, le premier jour que tu as eu à cœur de savoir, la parole est sortie. Donc, quand Daniel a, on dit en anglais, make up his mind. C'est-à-dire quand il s'est préparé que, il y a des choses qu'il doit savoir. Souvenez-vous, Daniel lisait les Bibles qu'il avait avec lui. Parce qu'il dit que je vis par les Écritures qu'il est censé prévoir que c'est 70 années qu'il devait passer sur la captivité. Nous sommes en captivité. Le temps devrait être 70 années. Qu'en est-il donc maintenant? Après, il prit la résolution donc de commencer à intercéder. Vous lisez la Bible. Vous voyez, on dit qu'on est à l'époque de la fin. L'amour du plus grand homme se refroidira. Telle chose va arriver. Les gens vont aimer, vont rejeter la sainte doctrine. Les gens vont amener les évangélistes d'entendre des choses agréables. Il y aura la doctrine de prospérité. Par cupidité, ils vont trafiquer le moyen de vous. Vous voyez toutes ces choses qu'il a déjà mises. Ça ne vous fait pas tirer là, frère. Ça veut dire, vous devez poser la question, quelle heure vivons-nous? Et quelle est ma responsabilité en entendant la vérité? Quelle chose Dieu prévoit pour notre époque maintenant? Vous devez poser cette question et passer le temps là-dedans. Sinon, vous allez dire, ah, depuis que je suis ici là, je n'ai même pas encore eu 5 francs. D'abord, même l'argent que j'avais, c'est parti. Oh, Dieu te nettoie comme ça pour te pousser dans la méditation. Tu dis non. Même à la cathédrale de la foi, on a dit qu'on est là-bas, il y a une grande cathédrale de la foi. Je m'en vais un peu là-bas pour prendre un peu là-bas l'argent. Allez-y. Dis à ton voisin, ce n'est pas le temps de chercher l'argent. Ce n'est pas le temps de prendre les offrandes de Géasi. Ça donne la lèpre spirituelle. Alors, il a dit, Daniel, tu es un bien-aimé de Dieu. Car depuis le jour où tu as eu à cœur de comprendre, la parole est sortie. Donc, quand il a eu à cœur, c'était dans son cœur encore, qu'il faut qu'il passe sonder l'écriture, il faut qu'il mérite pour savoir de quoi il est question. Dieu a dit, tu peux aimer de Dieu descendre, parce que le gars, là, quand il prie, nous ne pouvons pas dormir ici. L'ange est descendu. Malgré le blocage, Daniel persévère en bas pendant 21 jours. Mais aujourd'hui, nous prenons 21 jours le jeûne de Daniel sans savoir pourquoi, sans avoir les choses à cœur de comprendre. On jeûne seulement pour que nos jours entrent et qu'on comprenne qu'on a jeûné. Lui, il a dit, il avait un objectif sur le cœur. Il veut comprendre quelque chose. Et on dit, quand il a eu ça à cœur, la parole est sortie. Un ange est descendu pour lui parler. C'est ça, frère. Maintenant, regardez nous au chapitre 10. Mais précédemment, il glorifiait Dieu dans sa marche. Il était pertinent. Il était efficace. Il était honnête, droit dans ses activités mondaines et dans sa vie spirituelle. Il équilibrait les choses en étant fidèle dans l'un et dans l'autre. La Bible nous donne comme commandement aujourd'hui, quand vous servez n'importe où, servez comme si vous servez pour le Seigneur. Mais le chrétien aujourd'hui dit, Dieu n'est pas dans le business. Business, c'est business. Chrétien, c'est chrétien. J'enlève la casquette des chrétiens là, la casquette des chrétiens et met de côté. La Bible dit, c'est indissociable. Je dis, frère, la question que je pose ce soir, dans cette deuxième partie, c'est comment nous comportons-nous dans notre marche? Ne convoitons-nous pas les maris des gens? pour les femmes. Ne restons pas souvent en disant que, ouais, si c'était à recommencer avec ce type-ci, il ne recommencerait plus. J'avais espoir qu'il devait changer. Depuis là, on ne vit que de l'amour et de l'eau fraîche. Qu'est-ce que nous faisons dans notre marche quotidienne avec le Seigneur? Est-ce que dans notre marche quotidienne, nous l'honorons ou bien nous le déshonorons chaque fois quand nous prenons des décisions? Au chapitre 12, donc, il dit, en ce temps-là, s'élèvera Michaël, le grand chef, le défenseur de ton peuple. Ce sera des grands jours de terreur et de vengeance contre ce peuple. De telles terreurs comme s'il n'y avait jamais eu depuis que les nations existent. Et puis, en ce moment-là, ceux de ton peuple qui sera trouvé dans le livre de vie seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Écoute-toi, toi Daniel, tu as achevé ta course, ta mission est terminée sur la terre. Va te reposer. À la fin, là, à ce moment-là, tu vas te lever pour ton héritage. Frère, Dieu, peux-tu dire cela de nous? Il peut dire ce jour-là, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Quelle est notre marche? Autrement dit, qu'est-ce que vous faites quotidiennement pour montrer au Seigneur que vous l'aimez? Ta vie témoigne vraiment que tu es citoyen, que tu es citoyen du ciel, vivant dans ce monde perdu. Vous avez mon frère? Amen. Il peut avancer. Amen. Dieu choisit les choses viles du monde pour montrer qu'il peut réformer n'importe quoi qui était gâté. La preuve, chacun de nous ici sort d'un background mauvais. Pas vrai? Même si vous êtes enfant de prêtre, c'est déjà un défaut parce que le prêtre ne veut pas avoir de femme, n'est-ce pas, frère? Donc, c'est déjà un défaut. Et par conséquent, chacun de nous est sorti. Vous êtes dans une maison, vous êtes en contrebas chez moi. S'il y avait un chef rebelle qui pouvait naître dans la nation, c'était moi. Mais me voici maintenant, un grand dans l'armée du Seigneur pour combattre l'armée rebelle. Amen. Vous avez ma frère? Amen. Pour d'autres, parmi vous les femmes, vous savez que quand vous regardez dans le miroir, vous sortez avec la pensée que je vais voir l'homme qui va me résister. Où êtes-vous aujourd'hui avec le foulard? Où en êtes-vous? Vous aurez supplié que Dieu révèle encore au frère Junior qu'il faut changer cette doctrine. Il ne changerait point. Amen. Les prochains comme ça, jusqu'à ce qu'ils viennent pour nous prendre sur la terre. Amen. Et même s'ils m'enlèvent avant que vous ne veniez par derrière, n'essayez pas d'écouter les CD parce que dans les CD, c'est la même chose qui sera dit. C'est la même chose qui sera dit et ça ne changera pas, ça ne variera pas. Et ces jours-là au ciel, on écoutera la même chanson, le même cantique, le même évangile qui sera passé pour passer dans les vies des gens pour vous juger. Alors frère, je repose la question que j'ai posée dès le début. Comment est notre vie quotidienne vis-à-vis des incroyants? La Bible nous donne l'ordre d'avoir au milieu des incroyants, au milieu des païens, une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, ils glorifient Dieu le jour où il va venir les visiter. Mais aujourd'hui, tu vois, le chrétien, ça a désiré. On dit que celui-ci est chrétien. Il dit quoi? Il dit chrétien. Juste parce que tu ne peux pas témoigner. Tu ne peux pas passer. Parce qu'elle est chrétienne au milieu des saints. Quand elle sort, sa bouche, c'est la mitrailleuse. Kalachnikov. Mais la Bible déclare qu'on doit être doux, conciliant. D'accord, frère? Quelqu'un a-t-il des questions? Il est quelle heure, frère? Frère Dimitri fait comme s'il nettoie ses yeux. 4-16. Frère Dimitri fait comme s'il nettoie ses yeux, il profite, dort un peu quelques secondes. Oui, pasteur. Comment me comporter, comment gérer ma vie quand je suis au milieu des pervers? Je dois m'en tenir, il peut toujours abuser de moi. Oui. Comment gérer, comment me comporter de oui. La question que je pose, c'est que dès que j'ai une situation de prison, j'ai une esquive. Ils ne veulent pas comprendre cela. Tout eux, c'est l'argent. Oui. Ils ne mangent pas les pièces. Oui. Ils te disent, fais car où tu passes. Oui. Tu es ici. Ils nous perdent le temps. Ils veulent nous comprendre comment. Bonne question. Bon, puisque lui qui a dit cela, c'est le frère L'autre, il sortait de la maison avec mon épouse. Il est trouvé avec les gendarmes en train de discuter. Je viens, je vois, il est debout. Le gendarme, il y a un gendarme dans la voiture. Un autre gendarme debout. Le gendarme dit, donne-moi tes pieds. Lui, il me dit qu'il ne donne pas. La Bible dit que toute personne soit soumise à l'autorité. Mais là, il comprend très bien que l'autorité, là, c'est l'autoritarisme. Lui-même, il avait sa carte et il avait son permis. Tout était dans sa poche. Il a dit, je ne donne pas. Le gendarme ne peut pas la tête ou prendre les pièces. Lui-même, il ne donne pas, il bouge. Le gendarme, c'est le piège. Il sait que s'il donne ses pièces, quand il va donner, il va se tourner vers l'autre. Il va dire, pip. Donc, quand il prend ses pièces, il ne regarde pas. Il met ici dans son camouflet, il se tourne par là-bas. Il dit, pip, oh, gars là-bas. Tu marches devant le parent, il part comme ça, il part comme ça. C'est pour, il veut te dire que, il te dit que je mange tes pièces. Il veut dire que sa femme là-bas. Pourtant, lui touche son argent. Maintenant, pour le cas des gendarmes, Jean-Baptiste avait déjà réglé leur compte depuis. Il dit qu'il se contente de leur. Il a dit qu'il ne comprend pas ce que Jean-Baptiste dit. Parce que Jean-Baptiste qui les a employés. Qu'en attendant que Jean-Baptiste vienne les juger, pour le moment-ci, tu dois respecter le béret rouge là. Et les galons qu'il y a là-bas. J'ai proche, je suis en déroulé, je les vois là-bas en train de discuter. Il vient. Il dit c'est quoi? Il dit que le gendarme vient. Il dit que où sont tes pièces? Il dit la carte dentée. Il dit la carte dentée. Il dit que sors là. Il dit donne-lui. Il dit donne, gendarme regarde. Il dit. Fais attention, c'est la dernière fois. On va lui demander les excuses. Je donne-lui ses pièces. Le gendarme lui a donné. Bon, je cache certaines choses. D'accord, frère? Le gendarme lui a donné. Après, le gendarme dit que tu as ta chance. Mais le problème, c'est que il n'a pas rencontré les gendarmes chaque fois. Ils ne seraient pas là. La question maintenant, c'est comment faire? Bon, comme tu es propriétaire pour toi-même, je te propose de faire ainsi. Tu as toutes tes pièces. Il te demande, tu lui donnes. Tu as fini de donner, frère. Tu prends ton tricycle. Tu viens garer à côté d'eux. Tu t'assois là-bas tranquillement. Tu leur dis, mon frère, officier, je suis chrétien. Je sais que vous attendez l'argent pour tout le monde. Mes pièces sont complètes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il ne vous donne pas 5 francs. Amen. Et je ne bougerai pas ici aujourd'hui. Oui, ta femme est où? Elle est où? Oui, ça va. Ma femme attend la nourriture à la maison. Si je vais aujourd'hui sans nourriture à la maison, je vais signer derrière vous, on va aller n'importe où. Avec les pièces, tu restes là-bas. Il va tourner. Au nom de Jésus-Christ, il va dire que pas avec ta malchance. Parce qu'il n'a pas le droit de retenir tes pièces. D'accord? Il n'en a pas le droit. Faites confiance au Seigneur. Parce qu'il sait tellement qu'il va te perdre le temps. Le problème dans ton cœur, ce sera que il me perd le temps. Il faut que j'aille travailler. Il arrive des moments où vous devez vous sacrifier pour ces choses-ci. Alors la prochaine fois, quand il va te voir, il va dire c'est celui-là, il a tous ses pieds, laisse-le passer. Il va venir nous perdre le temps ici. Alors, chaque fois qu'il fait comme cela, s'il conduit, il va chez lui, tu vas chez lui. Oui. Vous avez d'abord suivi ce qu'il dit. Voilà. Dans la Bible, le Seigneur demande d'user de sagesse avec ceux du monde. Oui. C'est la bonne sagesse là-bas. Tu dois à côté de lui, il va comprendre que c'est mauvais. Il y a une autre sagesse qui est en poche souvent. Oui. Donc, tu avais d'abord la réponse, tu me poses encore. Non, il y a une autre sagesse qui est en poche souvent. Oui. Ce jour, j'ai garé parce qu'il fallait le respect. Oui. Souvent, il dit, j'étais déjà là. Oui. Il fait comme ça. Comment chaque fois, je pratique, qu'on me remarque. Bon, quand tu dis, on s'est tué, d'abord là. Hein? Donc, c'est la sagesse des mensonges, n'est-ce pas, frère? On ne dit plus la suite. Donc, la sagesse là, c'est la sagesse qui ne vient pas de Dieu, n'est-ce pas, frère? Autre question? Que Dieu bénisse. Amen. Y a-t-il des questions? Si vous n'avez pas de questions, moi, je vous pose des questions. Oui, mon cher. Une question, c'est que si déjà peut-être toi tu travailles avec quelqu'un, oui. Déjà que, bon, comme pour moi je travaille avec quelqu'un, je suis sous son autorité, oui. Et qu'un ami a lui le confie une tâche à faire, oui. Bon, lui et moi, lui le patron et moi on fait la chose, oui. Bon, entre temps, lui le patron commet, fait la faute, j'assiste, moi qui suis chrétien, oui. Bon, maintenant son ami venant pas pour venir. Vraiment pour se rassurer de comment la chose s'est passée. Oui. Bon, est-ce que je vais lui donner le rapport ou je vais lui demander d'aller voir celui à qui il a confié? La sagesse, justement, pour dire que tu vas dire, je ne suis pas le patron, je ne décide pas et je n'ai pas autorité pour te dire n'importe quoi. Va lui demander qu'il te dise ce qu'il a fait. C'est toi, c'est le patron. Ce n'est pas toi qui es le patron pour donner les ordres. D'accord, mon cher? Autre question? Oui. La Bible déclare qu'on doit donner à César ce qui appartient à César. Oui. À Dieu ce qui appartient à Jésus. Amen. Et c'est lorsque Jésus est allé au temple qu'on lui demandait les impôts. Oui. Et dans le désert, on ne lui a pas demandé les impôts. Oui. Moi, par exemple, qui fais la moto, oui. Je travaille au marché. Oui. Est-ce que c'est automatique que j'ai payé les impôts? Quelle est la régulation dans le secteur des faiseurs de motos? Il doit payer les impôts, oui ou non? Il doit payer, oui ou non? Autre question, frère? Y a-t-il d'autres questions? Tentez-vous de les poser toutes vos questions. Si vous ne posez pas de questions, moi je vous en pose, j'en ai plein. On apporte un troisième tour de café, frère. Vous buvez 4 gobelets de café en l'espace de 2 heures, jusqu'à là vous dormez. Madame la caféine, les cafés sont finis. C'est fini. Servez encore. Oui. Oui. Quand Shadrach, Meshach et Abednego résistaient à l'ordre du roi, oui. Où étaient-ils? Bonne question. Pourquoi dans l'enseignement de 9 heures de temps, il parlait sur l'enlèvement de la grande tribulation, j'en ai parlé. D'accord? J'en ai parlé. Il avait été enlevé. C'est l'église, c'est l'épouse là. Donc, c'est le type là, il représentait le type des chrétiens qui vont passer par la tribulation, qui vont devoir tenir. Donc, le Seigneur va les visiter. Mais avant cela, la Bible déclare qu'on ne parle même pas de Daniel. Donc, ça ne veut pas dire Daniel s'est prosterné devant, puisque au chapitre 4, il ressurgit. N'est-ce pas, frère? Donc, Daniel, c'est le type de l'église qui est mis à part. Avant qu'un ordre vienne sur la terre, que voici votre adoration. On a un seul Dieu qu'on doit servir. Ça va être tes questions là-bas. Autre question? Si vous laissez la maintenant dormir, il n'est que 4, vous allez dormir. Peut-être 6 ou 7 heures, vous vous trouvez. Je vous laisse dormir. Non. On continue, frère. Oui. On continue. Une troisième partie de notre enseignement. Oui. J'attends des questions d'abord. Pour être sûr que vous me saisissez depuis. Donc, souvenez-vous de bien vous comporter. Parce qu'on a lu que si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec circonspection pendant le temps de votre pèlerinage. Souvenez-vous, on a dit que pendant le temps de votre pèlerinage, ton temps de pèlerinage sur la terre n'est pas mon temps. Chacun a son temps de pèlerinage. Donc, quand ton jour s'accomplit, on dit que viens à la maison. Tu vas donner le compte rendu de ton pèlerinage. D'accord? Donc Dieu, comme il nous aime, il nous donne des directives pour que nous nous comportions bien avant le retour à la maison. Des questions? Oui, madame. Assieds-toi, tu n'as pas besoin. Tu as juste t'asseoir là. Ma question, c'est que je suis commerçante. Oui. Et pendant que je veux mon activité, il y a parfois ce qu'on dit, les négociateurs. Oui. Bon, maintenant alors, j'ai un prix. Quand je viens au client, oui. il me pose la question de savoir combien tu prends. Oui. Moi, je veux. Donc, je n'ai pas le prix d'achat, mais je veux. Donne un exemple, on n'a pas dit que tu as trop d'argent, donc c'est moi un exemple d'abord. Je pense tant, il me dit. Non, pas tant, tant, c'est pas un prix. Donne un exemple. Bon, je dis, j'achète à 5 000, je veux 6 000. Oui. Bon, il me dit, taxe à. Qui te dit taxe? C'est toi qui es le maître de ton commerce. Celui, non, celui qui négocie. Le marché, c'est celui qui a le client. Oui. Il vient devant moi. Il dit taxe à 15 000. Oui. Moi, je suis en taxe à 15 000, c'est l'usager. Oui. Bon, maintenant, peut-être parfois je n'oublie pas. Oui. Je taxe à un privat. Oui. Parce que c'est lui qui t'a amené le client. Oui. Et comme ça, pour que quand cette prise sera donnée, le supplice, tu vas le donner, tu prends tes prix. Oui. Oui. Bon, maintenant, quand je taxe, sachant que je veux 6 000, il discute à peut-être 9 000. Oui. Dans les 9 000, il y a 3 000. Oui. Bon. Le client obéit à ce qu'il dit, oui. À ses ordres. Oui, pendant que le démarcheur fait comme s'il ne connaît pas. Mmh. Quand il part, il tourne là-bas, derrière, il fait comme ça, tu lui donnes. Mmh. On pose la question. Bon, dans ce cas, je ne sais pas si je suis en train de me toucher. Pourquoi tu utilises le démarcheur? Non, c'est le démarcheur qui vient devant moi avec son client. Si tu refuses, le client, on va acheter encore tes choses. On achète. 1 Thessaloniciens, ouvrons. 1 Thessaloniciens. Vous y êtes? Mm-hmm. Chapitre 4, le verset 5 et 6. Que dit sa frère? Verset 5. Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Voilà. Donc, Dieu ne veut pas qu'on tire, qu'on fasse des cupidités et des fraudes dans les affaires. On va arranger cette situation-ci. Utilisons ce système-ci, ton commerce, normalement en tant que chrétien, le commerce est pour le Seigneur, n'est-ce pas? Mais le fait que si tu ne fais pas comme ça, les gens qui sont venus te vont vendre. Et si tu peux dire merci au Seigneur, si tu vas au marché chaque jour, tu ne vends pas, tu dis merci au Seigneur, tu rentres vraiment. Quand elle dit d'abord comme ça, dans son cœur, il répète encore ta question pour que je sois sûr que, j'ai compris la question. Je vais réitérer ce que je viens de dire. Est-ce que tu peux aller un jour, tu t'assois devant le marché comme ça, devant la marchandise, tu ne dis pas que je frappe l'aveuglement les clients qui vont chez mes voisins. Je frappe l'aveuglement, j'envoie la lumière du Saint-Esprit sur lui pour qu'ils tous viennent ici. Tu vas finir de faire comme ça. L'autre client, l'autre vendeur de l'autre côté va prendre son charme qu'il a pris à l'esprit des eaux. Les gens vont venir te regarder. Bonjour madame, bonjour. Ils vont acheter là-bas. Après, tu vas dire, j'ai la face du maquereau. Ce n'est pas la face du maquereau. Ils vont acheter plutôt là-bas. Mais je pose la question. Est-ce que tu es capable, par jour, de t'asseoir, si tu ne vends aucune chose, tu regardes ta voisine qui vend la même chose que les gens passent chez lui. Tu dis, que Dieu bénisse cette femme, c'est vraiment comme un vent là. Seigneur, merci pour cette journée que tu ne m'as pas donnée. Tu peux le faire? Oui ou non? Avant que tu ne finisses pas partout là maintenant. Elle a répondu à la question. Donc pour le moment là, elle ne peut pas supporter. Elle va chercher les problèmes à ta voisine, tu vois. Pointer du doigt à Dieu, alors à ses affaires, c'est pas vrai. C'est ce qu'elle veut dire par là. Ça veut dire qu'elle ne peut pas supporter, qu'elle ne vende pas. Et par conséquent, elle peut accepter n'importe quoi pour que le client vienne. Qu'est-ce que ceci veut présenter? Manque de confiance au Seigneur. Souvenez-vous de ce que notre Seigneur a dit. Ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il y a, en tant que chrétien, ce que tu fais journellement. Dieu a programmé n'importe quoi pour toi. Les clients qui sont destinés doivent être là pour toi. Donc, on n'a pas besoin de se livrer dans cette esquisse mondaine-ci pour la course à la richesse. Donc, tu te lèves le matin. On dit, heureux celui qui se confie en l'Éternel. S'il traverse la vallée de Baca, il te transforme quoi en étang. C'est ce que la Bible déclare. D'accord? Donc, une mondaine vend la tomate. Tu vends la tomate à côté, ta tomate est croyante. Sa tomate est croyante vis-à-vis parce que tu es là. Tout ce qui appartient à Isaac est béni, n'est-ce pas frère? Amen. Les serviteurs d'Isaac, quand ils touchent un endroit, l'eau sort, n'est-ce pas frère? Amen. Donc, quand ils touchent comme ça la terre, dit que je suis la terre d'Isaac. L'eau doit jaillir. N'est-ce pas? Quand il traverse l'étang, il le transforme en source. C'est ça? Alors, si tu fais confiance au Seigneur, dis Seigneur, merci pour les clients que tu me donnes aujourd'hui. Comme Abednego et Shadon dit là, même si je ne donne pas le client, je vais toujours te louer. Parce que tu m'as déjà donné la vie qui est plus grande que les clients. Comment Dieu n'a pas été béni? La Bible déclare que rendez grâce à Dieu en toutes choses. On va même plus loin en disant que c'est la volonté de Dieu à votre égard. Donc, si c'est mauvais, tu dis d'abord merci Seigneur, même si tu veux pleurer, tu pleures. Il t'en donne quand même les larmes pour nettoyer tes yeux de temps en temps. Seigneur, merci, je ne suis pas content, mais tu dis quand même d'abord merci. Parce qu'il a dit qu'on rend grâce à Dieu pour toutes choses. Que ce soit en bien, que ce soit en mal, tu dis d'abord merci. Parce que tu peux avoir 800 clients par jour. Et les problèmes qui surgissent, même les taux de 800 clients ne puissent pas résoudre. Il va falloir que tu aies encore recours au Seigneur. Donc, ce n'est pas la vente, le nombre de clients que tu auras pour vous dire, tu vas compter les billets, par le souci, on compte en guettant ta voisine comme ça là. Pour plier, tu dis que j'ai vendu aujourd'hui vraiment 100 000. Et si un problème de 200 000 surgisse, que vas-tu faire? La vraie foi veut qu'on se repose sur le Seigneur. Qu'il me donne, qu'il ne me donne pas, il est Seigneur. Amen. Jésus n'est pas Seigneur parce qu'il répond à nos prières. Amen. Il n'est pas Seigneur parce qu'il guérit nos maladies. Il n'est pas Seigneur parce qu'il nous aime. Il est d'abord Seigneur, même si vous n'étiez pas là. Amen. D'accord? Il est Seigneur. tu laisses un temps, comme tu vois, les gens viennent vers les boutiques, la boutique là-bas. Tu dis, Yahweh, Dieu des miracles, tu guettes ma vie. Étends ta main sur mon commerce, que mes voisins voient tes miracles. Quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas voir qu'ils passent que par là-bas. Et qui loue ton Saint-Nom. Tu ne sais pas qu'en faisant, tu les éloignes, tu vois les gens là, peut-être qu'ils vont aller là-bas comme ça. Moi, ça veut dire que Jésus, Jésus à gauche, Jésus à droite, ne part pas par là-bas. Amen. Un esprit doux et paisible. Tu prends Dieu dans ton cœur, tu loues. Seigneur, je te remercie. Et je prie, Père, que tu bénis le commerce. Il faut bénir. Si tu ne peux même pas bénir, reste-toi tranquille. Ne dis pas que Seigneur, comme le gars a dit qu'il est béni, il est béni. Et la femme, si je ne sais pas, Seigneur, que les impôts viennent fermer son commerce. Vous savez, quand vous faites comme ça, là, quelqu'un vient, un ancien client de cette personne, vous savez, il y a des gens qui ont leurs clients. Il vient comme ça, ta voisine est quittée pour aller faire quelque chose. Il dit que madame, bonjour, il dit bonjour. Il dit, la cliente, c'est où je vais acheter quelque chose. Tu as vu, il est là. Je suis son surveillant. Vous dites quoi? Qui t'a envoyé acheter là-bas? Il faut acheter. Je ne sais pas où il est parti. Vous voyez? Alors que si tu es un vrai chrétien, tu veux quoi? Il n'est pas là. Viens. Tu es parti, vends la même chose que tu as là-bas. Tu vends, tu gardes son adresse. Viens, tu dis, voici un client a acheté ta part. Tu rentres là-bas. Comment Dieu ne va pas vous bénir, frère? D'accord? Autre question. La vie chrétienne vécue de la bonne façon, vous-même, vous saurez que vous êtes libre. Et vous vivez la vie chrétienne de la bonne façon, vous allez voir que c'est la liberté. Vous allez voir que vous n'êtes pas oppressé ni assujetti par quoi que ce soit comme matériel. Mais que vous passez du matériel. Ma question est la même question. Si elle fait un péché, il prend les armes. On voit que son problème est dans la marchandise, non? Tu achètes la marchandise. Pour celui-là, c'était entre lui et le gendarme, n'est-ce pas? Parce qu'il est conducteur. Oui, continue, frère. Tu achètes la marchandise de 5 000. Oui. Bon, je tape peut-être à 9 500, ça nous permet de dire. Pas 9 000. Oui. J'ai 4 000 francs de dessus. Oui. C'est un péché. Non, ce n'est pas un péché. Tu lui as dit que tu as taxé comme ça. D'accord? Mais le problème, c'est que si tu dis que j'ai acheté ça à 9 000, même quand je me vends comme ça, je perds. Et tu fais comme ça, tu te tournes comme si tu étais sérieux. Pendant qu'elle est partie, tu gardes d'abord pour qu'elle bouge un parti qui donne l'argent. Je vous connais, vous les commerçants là. Hein? Il dit, il n'y a pas de problème. Même si tu dis 4 millions et que la personne peut acheter à 3 millions, tu vends, il n'y a pas de problème. Le problème vient au niveau où tu achètes à 5 500. Et tu te tournes là, tu dis que non, même quand tu es vendant comme ça, je perds. Tu vends, tu perds quoi? Mais quand tu sais là que tu as fait, les commerçants sont. C'est pour ça que frère, il y a des choses que si vous ne vous rendez pas compte en tant que chrétien, vous allez voir que vous allez vivre dans le mensonge. Mm-hmm. Vous faites le beignet. Pour les femmes qui font le beignet. Tu fais ce soir-ci, on ne l'achète pas. Tu prends, on le distribue aux gens. Tu dis, j'ai dépensé mes 3 000 ce soir-ci, j'ai pas eu le truc. Tu mets ça là-bas. Le matin, première chose, c'est ça que tu chauffes, tu mets dans la mamie. Tu mets là-bas, tu fais 4 beignets, tu mets dans le nouveau. On dit, comment il veut le beignet, chaussé pour aujourd'hui? Tu dis, oui, par réflexe. Oui, par réflexe. Dieu dit que personne n'use de fraude et de cupidité. Tu veux les frauder. Vous voyez? Tu veux les frauder. Et là, tu dis que non, le beignet, si c'est le beignet, je lance le défi au commerçant de dire ça. Le beignet, si c'est le beignet d'hier, tu le regardes comme ça là. Tu vas voir la prochaine fois, la personne va partir. Tu vas maintenant poser la question que si il dit la vérité, il va partir. Et puis quoi? Tu as quand même dit la vérité? C'est ça, nous sommes de parler ici. Est-ce que tu es prêt à dire la vérité, coûte que vaille? Vous voyez? Ouais, même si le haricot est. Mauvais n'importe comment. Vous voyez les gens qui vendent les chaussures comme le frère Olivier. Il regarde comme ça, il regarde là-bas, on a écrit en chinois. Quand tu choisis comme ça, tu me dis, sans que tu ne poses des questions, il dit que ça c'est un bon père. Hein? Que ça c'est un bon père, ça vient de l'Italie. Il demande, je t'ai posé quoi comme question. Tu vois, c'est le chinois. Il dit non, c'est solide, prends, tu vois. Il faut me sentir regarder du coin de l'œil. Vous me suivez, frère? Qu'on ne se livre point de cupidité et de fraude dans les affaires. Il a bien précisé dans les affaires. Quand vous faites les affaires, ne faites pas. Les gens, vous savez, vous voyagez, vous êtes dans le bus, vous voyez les gens pendant la période de prunes. Les gens prennent des nylons, ils mettent comme ça, ils mettent le caillou en bas, ils mettent les prunes comme ça, c'est l'heure élevée. Parce que c'est que quand tu vas acheter, tu ne seras pas là. Pendant que tu tournes comme ça, ils versent dans le nylon, ils tournent comme ça, tu donnes de l'argent, tu tournes, toute la montagne de prunes qui était là-bas est devenue carte à l'intérieur. Parmi, et pendant qu'ils s'en est fait comme ça là, en courant que acheter les prunes, vous savez quand ils courent à côté du bus, ils chantent, vous savez, il y a une chanson que vous chantez les chrétiens dans le maintenant, ils disent. Il a changé mon adresse. Comment vous chantez cela? Il ne me cherchait plus là-bas. Oh. Mais elle a pu donner la matière avec les prunes chaque fois. Il ne me cherchait plus là-bas. Oh. Il a changé mon. ma destination, je ne sais pas comment chanter, mais bon, les prunes, chaque fois, il oublie que la prochaine fois, tu vas passer toujours là-bas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, non, c'est une bonne prune. C'est une bonne prune, c'est la prune en forme de beurre. Tu mets dans la bouche la prochaine fois, c'est comme si c'était l'acide. Nous ne livrons pas dans les... C'est ce qu'ils font, mais nous ne devons pas faire cela. On prend les tomates, c'est gâté, on place ça en bas. On met ce qui brûle, on verse l'eau sur ça. On place comme ça là. On dit, asso, je vais le tas là. Alors que tu fais comme ça, tu mets dans le nylon à la maison. La personne voit que c'est gâté. Après, tu lui dis, c'est moi qui ai fabriqué le cajou là. Si il vend comme ça, il va perdre. Si c'est que tu vas perdre et que tu ne vas pas faire ce qui est droit, quitte le commerce là. C'est simple, tu quittes le commerce. Parce que Dieu a dit, parce que Dieu t'y vengeant de toutes ces choses-là, comme nous avons déjà dit et attesté. Les questions encore sur le commerce? Oui. C'est bon partout là. C'est oui, aussi. Je travaille avec une femme, je travaille dans un cafétéria, la cantine. Donc... J'ai compris que ton visa me dit quelque chose à Yaoundé. Non. C'est à Yaoundé, où c'est où? On s'est vu où? C'est bon, ma question, c'est aussi une fois à la maison, tu mets que le gars qui est là. Ok, bon, c'est bon. On va aller, monsieur. Là, qui vient à ma femme, elle veut dire qu'il ne reste pas à la maison. Je travaille dans un cafétéria d'un collège. Oui. La cantine d'un collège. Oui. Je suis arrivée là-bas, il y a peut-être seulement 2 mois. Bon, dans le café maintenant au collège, ils ont le système que j'ai trouvé. C'est un œuf. Qui ça? Les femmes qui vendent dans leur café là. Oui. Elles sont vendues. Bon, je ne suis que son employé. Oui. Avec un œuf, elle fait. Deux plats. Elle fait comment pour ça gonfle? Elle fait comment pour que ça gonfle? Elle met le spaghetti dans l'eau, elle divise un œuf. Elle tape un œuf, elle donne une petite boîte. Oui. Elle tape un œuf. Oui. Bon, quand elle casse l'œuf comme ça, oui. Elle finit, elle baisse un peu. Elle baisse un peu. Dans une boîte à côté. Wonderful. Toujours pour avoir l'argent. Oui, c'est elle dans la 150. Donc elle dit que c'est un œuf qu'elle a mis là-dedans. Oui. Bon, c'est comme ça. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé le système. Quand je tape, elle me demande de me cacher. Donc de me mettre le dos pour que le client ne voit pas. Bon, moi, en tant que chrétien, je ne voulais pas dire que je ne vais pas faire. Mais je m'arrangeais à laisser pour que les élèves voient. Bon, tu coupais quand même? Oui, je coupais. Mm-hmm. Mais je laissais, je ne cachais pas, je laissais. Arrête d'abord avant que tu avances ton histoire. Quand un élève vient, il te donne ses 150 ou 175. Il te dit qu'un œuf spaghetti. C'est que tu tapes un œuf. Non, on fait comment? Nous faisons les omelettes avant que les élèves ne sortent. Mais il n'y a pas de problème. Mais oui, il n'y a pas de problème. Mais il dit, je veux un œuf spaghetti, oui ou non? Mais, on va se réfléchir encore. Quand quelqu'un te donne l'argent, tu peux savoir si c'est deux œufs spaghetti qu'il veut ou c'est un œuf, non? C'est que tu lui donnes, c'est un œuf spaghetti. Non. C'est le mensonge, c'est pas le mensonge. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire, ma soeur? Pourquoi ça, c'est le mensonge ou pas? Je ne sais pas ça. Bon. On s'arrange à faire 15 minutes avant. Donc, oui. Il y a même des soucis. Il y a des élèves qui veulent l'œuf simple. Oui. On lui dit que l'œuf simple coûte 125. Oui. On lui fait un œuf. Elle est là. Oui. On lui fait un œuf. Oui. Mais elles savent que œuf, ça va. Donc, on s'est arrangé. Je me suis arrangé de faire en sorte qu'elles connaissent que c'est comme ça que ça se passe. Donc, elles voient que tu as coupé son œuf. C'est comme ça. Oui. Mais le problème, c'est que. Celle qui ne veut donc pas qu'on coupe. Fais l'œuf à deux. Fais le plat à deux sans. Oui. Celle qui veut un œuf, oui. Carrément, oui. C'est le plat à 200 francs. Oui. Bon, maintenant, il nous arrivait souvent qu'on nous livre les gros œufs. Oui. Maintenant, elle me demande de couper en trois. Si elle peut faire ça en trois. Ouais, pourquoi le Seigneur suscite cet enseignement, non? Oui. Vous avez le problème, vous allez confronter. Si elle peut sortir en trois. Bon, maintenant, ce que je fais, je ne fais que faire en deux. Elle me dit que, mais tu ne parviens pas à sortir en trois. Je dis que oui, je ne parviens pas. D'où est venue cette idée-là de couper l'œuf? D'où est venue cette idée? Je ne sais pas vraiment. Oui. Je sais pas vraiment. Ok, depuis en tant que chrétien que tu travailles là-bas, ça t'a dérangé? Ça m'a dérangé. Qu'as-tu fait avec elle en causant? Rien, parce que vraiment. Lui as-tu dit que tu étais chrétien? Elle sait. Non, lui as-tu dit que tu es chrétien? Oui. Et comment tu peux te livrer à la même chose qu'elle dit que tu fais? Oui. Qu'elle fait? Bon, nous avons lu aujourd'hui que. Et si vous invitez au compère, il dit, soyez sain dans tous vos conduites. Tu peux dire devant Dieu que cette conduite-là que tu fais est saine. Ou bien tu te dis que non, moi je ne me cache pas, je fais ça ouvertement. Tu peux dire ça quand même devant Dieu et tu t'en sors honnêtement. C'est-à-dire que si c'était Dieu qui était devant toi, cet acte-là, tu peux lui dire, Seigneur, moi je ne me cache pas, c'est mon patron qui se cache. Je fais ça devant la personne. Tu peux dire ça devant Dieu et t'en sors. Donc ça dit que cet acte est mauvais, n'est-ce pas? Quelle est la conclusion, ma chère? Y a-t-il encore d'autres questions? Venons ici d'abord. Bon, Ma question, c'est ceci. Souvenez-vous de Abednego, Shadrach et Meshach, n'est-ce pas, frère? Si tu travailles avec quelqu'un. Oui. Par exemple, comme je travaillais dans les fers. Chacun a sa part ce soir. Si tu vois, non. Oui. Tu sais que quand on sort les fers sur le mur. Oui. Si peut-être on ne nettoie pas le mur. Peut-être comme les fers, c'est en dimension, en dimension. Si peut-être on retire le fer des. Ça, ce sont les fers qu'on utilise pour mettre, pour faire des mais maisons. Généralement, c'est ça, c'est pour les soudures. Oui. C'est pour les gens qui font la soudure. Parce qu'on retire le fer des disques, non? Oui. On ne nettoie pas la machine. C'est qu'on retire. Oui. C'est plus costaud que ce qu'on a d'abord retiré. Oui. Donc, quand tu regardes, c'est plus costaud que le fer des disques. Oui. On achète ça maintenant. On achète ça au prix du fer des disques. Oui. Maintenant, on achète les fers des 12. Oui. Ça veut dire en 10 et 12. Oui. Quand tu achètes comme ça, tu rentres. Le patron dit que bon, les 10, on doit vendre ça en 12. Oui. Donc, pour tromper les gens. Oui. Donc, la tromperie ou c'est pas la tromperie pour continuer? La tromperie. Qu'est-ce que tu veux faire en tant que chrétien? C'est ça qu'il voulait discuter de moi. Qu'est-ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dois faire? En fait, je voulais te poser la même question d'abord. Qu'est-ce que tu dois faire? La question est ici, frère. Oui, frère. Oui. Étant donné, nous savons qu'ils ont généralement eu à vendre, à faire le commerce des fils de canté. Oui. Chacun a sa part. Je vais prendre l'exemple. Oui. Vous allez sur le marché. Oui. La majorité des femmes qui font cela pour vendre, pour qu'on achète, pour livrer. Donc, on fait les prix du planton, mais dans les nylons. Oui. Oui. La plupart de ces femmes-là doivent, elles font tout pour être là au marché tous les jours. Oui. Pour livrer. Oui. Maintenant, ce qui fait que ce n'est pas du tout facile de trouver du plantain tous les jours. Oui. Elle pompe souvent le format. C'est-à-dire, on harcèle le plantain vert de devenir mûr. Voilà. Oui. Justement. Et toi qui es censé acheter, oui, pour aller revendre. Tu dois attendre jusqu'à ce que le plantain se mûrisse comme tu dois. Et le plus, non, le plus souvent, c'est que toi qui prends chez eux pour aller revendre, oui, tu sais que ces plantains-là, oui, on a mis ces produits dessus. Oui. Ça. Oui. Et le plus souvent, quand ça ne mûrit pas, certains mettent du sucre, oui, pour que ça soit sucré dans la bouche. Quand vous arrivez donc dehors pour vendre aux clients, les clients vous disent que le plantain ce n'est pas mûr, mais c'est du sucre. Oui. Et maintes fois, les clients vous font ces reproches-là. Oui. Maintenant, vous savez déjà que toutes les femmes qui vous livrent ces plantains. Moi, je vous pose la question directement, frère. Qu'est-ce qu'ils feront faire dans cet état-là? Il faut renoncer. Ça, c'est clair. Autre question. Et allons pas ici. Ma question, c'est. Souvenez-vous de ce soir. Que faites-vous chaque fois? C'est ça qu'on avait niché comme ça. Allons-y. Bon, si déjà qu'on te donne une marchandise, peut-être ton patron te dit va vendre à 100 francs. Mm-hmm. Quand tu parles à négocier, tu vas peut-être à 150, 175. Oui. Bon, le surplus revient au patron. Ou c'est ton surplus parce que tu es sage. Applaudissez pour le frère ici. Il est vraiment sage. Donc tu es un bon négociateur. Ça veut dire que le patron attend combien? Si tu parviens avec tes preuves, oh Seigneur, fais-moi grâce, tu vas à 200, tu as tes 100 francs. Le patron, c'est 100 francs, d'accord? Il n'y a pas de fraude là-dessus. Tu es seulement un bon négociateur. Mais maintenant, si tu arrives maintenant, le patron dit, tu as vendu à combien? Voilà. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je suis venu dire avec tes frères. Tu veux que tu continues d'ici? Non, mais justement, par là-dessus, je vais lui dire avec bon, maintenant, si tu dis, donne-moi tout l'argent là, tu vas lui donner? Parce que déjà, quand je lui dis, avant de dire la vérité, du coup, la boutique que j'ai vendue, attends, j'ai le temps déjà la chose. Tu tends déjà tout l'argent? Oui. Donc, ça veut dire que si le patron dit que vends ceci à 100 francs, oui, ceci à 150. Mmh. Tu vois, tu vends chacun à 400. Quand tu viens, tu donnes tout l'argent que tu as vendu. Oui, j'ai le temps l'argent. Tout l'argent que tu as vendu. Tout ce que j'ai vendu. Ok, c'est que tu es un honnête citoyen. Oui, frère, ici. Je veux poser ma question. Mais ce n'est vous pas... entendez là-bas, hein? Les gens qui étaient dans l'obscurité, donc, c'est dans... Oui. Je vais poser ma question par rapport à l'enseignement qu'on a fait. Et je vais toucher le cas, peut-être le cas de Shadrach, Meshach, Abednego, oui, le cas de Daniel, oui, le cas de Lot, oui, le cas de Zacharie qui était sacrificateur. Comme c'est long, la famille permet d'étendre jusqu'à 7 heures. Allons-y, frère, on t'écoute. Mais est-ce que ces gens-là, dans ces générations-là, tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait ça de leur propre gré ou bien ça leur a été donné d'avant? Bon, d'avant. Je pose la question. Il y avait la statue devant eux, oui ou non? Oui. Les genoux étaient là, oui ou non? Oui. L'acte était de soit se postuler, soit ne pas se postuler, non. Je reviens ici. Non, on va revenir au. Toi, il y avait le fer devant toi, non? Oui. Il y avait le patron, non? Je n'ai pas encore fini. J'arrive. Il y avait le fer, n'est-ce pas? Oui. Il y avait le patron, non? Uh-huh. Il t'a dit ou non de vendre de 12 à 10, au prix de 10. C'est ça, non? C'est ça. Voilà. Bon, je n'ai pas non, j'arrive, ça va, c'est tout ce que je veux savoir. On continue avec les autres maintenant, frère. Donc, je voulais savoir si c'est par leur propre force, c'est par leur capacité qu'ils ont pu résister ou bien ça leur a été donné. Permets-moi d'aller les demander d'abord. Quand ton patron te demande de vendre ça comme ça, qu'est-ce que tu fais? Non, généralement, je ne vends pas. Pourquoi? Je dépose. Oui. Quand on vient, généralement, on verse les fêtes. Oui. Mais quand il dit comme ça, là, je viens, moi, seulement, il dépose. Oui. Ceux qui sont à la maison, j'ai le reste. Tu fuis. Oui. Qu'est-ce qui te fait fuir? Tu prends quelque chose pour fuir? Je ne peux pas. Ma conscience ne peut même pas. Donc, c'est donc ta conscience t'aide. Ça ne peut pas. Donc, je ne. Donc, ta conscience ne permet pas. Ce que je veux dire, suis attentivement. On a de répondre à une question là-bas. Donc, ta conscience ne permet pas de faire de telles choses. Non, donc, j'ai mal peut-être envoyé le mot. Oui. Je veux dire que quand si je fais cela, oui. Je ne serai pas en paix jusqu'au jour. Naturellement, c'est ta conscience qui est le problème. C'est vrai, on dit que ta conscience ne permet pas de faire ça, n'est-ce pas? Et par conséquent, tu esquives. Tu pars. Mais les personnes que tu laisses là-bas, ces personnes-là vendent, non? Je ne sais pas si elles vendent. Mais le problème, c'est que la prochaine fois, tu veux. Le problème, quand tu veux me voir, la prochaine fois, le fait que tu avais mis là-bas est quitté, non? Oui, mais. Donc on a vendu. Je ne cherche pas de. Non, il n'y a pas de problème. Mais on a quand même vendu, non? La conscience de ces personnes-là, pourquoi ça ne dérange pas? Toi, dérange. Je recommence encore ici. Pourquoi d'autres personnes se sont prosternées sans avoir de problème, malgré qu'ils lisaient la Bible, et d'autres ne se prosternent pas? Tu vois le problème, n'est-ce pas? Je pose donc la question. Devant les situations, as-tu eu à vouloir mentir, mais tu n'as pas menti? Qui t'a donné la capacité? Parce que quand tu crains Dieu, tu prouves, n'est-ce pas? Amen. Autre question, frère. Oui, frère. C'est fort. Attends d'abord. Oui, prenons une fois ici. Oui, frère. Il y a, dans un enseignement, là, j'ai compris, tu disais que ceux qui versent les engrais au champ auront des comptes à rendre à Dieu. Oui. C'est dans quel sens? Je ne comprends pas. Vous versez l'engrais pour quoi? Pour multiplier la production, la croissance. Pour multiplier? La croissance, la production. Dieu a dit qu'il y avait un problème. Non. En fait, c'est moi qui ai constaté que ce sol qui est riche peut-être en ammoniaque est déjà en baisse. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'urée pour apporter l'azote, l'eau, le soufre. Oui. Bon, c'est avec ce talent-là que je peux. Et si tu mets ça comme ça, il ne pleut pas de la pluie. Tu fais comment pour qu'il pleut, pour arroser? Non, puisque je sais, je connais les temps. Oui. Je sais qu'en mars, c'est la saison pluvieuse. Tu as vu que chaque fois que tu vois comme ça, ça n'arrive pas toujours, frère. Parce que la Bible dit qu'il fait varier selon ses desseins à lui. Tu as vu ça dans la Bible? Oui. S'il fait, mais il varie que désormais, ça ne fait pas. Tu fais comment? Ça arrive. Parce qu'on va répondre à ta question maintenant. Tu as lu dans ta Bible que ce que Dieu fait est parfait. Oui. Et ce qui est coupé n'a pas besoin d'être redressé. Oui. Si l'ammonia finit le sol, qui a fait finir? Dieu. Ou mieux encore, pose la question. Ce que tu mets comme engrais, pour finir, ça entre dans quoi? Ça finit sa course où? Non, doucement, c'est à lui. Je veux qu'on arrive. Ça finit sa course où? Dans la plante. Dans la plante. Oui. Et lorsque la plante est coupée et déposée, une plante naturelle, quel est le comportement de cette plante-ci qui a été modifiée avec ces engrais? Il veut que tu me donnes l'état. C'est-à-dire, si je prends un papa, je mets là. Une autre papa qui est naturel, je mets là. Y a-t-il quelque chose qu'on peut constater que ceci n'a pas de problème? Bon, là-bas, l'essence, c'est parfois différent. Oui. Parce que je peux prendre l'exemple. Je peux prendre, par exemple, l'exemple de la potasse, par exemple. Oui. Même sur le bananier ou le plantain. Oui. Bien. Si le régime de plantain, si je ne mets pas la potasse par exemple, oui. Le régime de plantain ne sera pas volumineux. Oui. Avec un bon poids aussi. Oui. Voilà peut-être l'effet négatif. Donc ça gonfle. Manque de potasse. Oui. Donc ça veut dire que si ça manque de potasse, le plantain que Dieu a donné, tu peux corriger. Et il dit que si c'est chétif, laisse ça comme ça. Si c'est gros, laisse ça comme ça. C'est ça qu'il a dit. Il dit ce qui est courbé n'a pas besoin d'être redressé. Il a voulu ça courber. N'est-ce pas, frère? Oui. Maintenant, quand tu mets la potasse pour que ça gonfle, et une femme aussi maintenant va prendre le savon pour changer sa peau, pour être brune, pour corriger. Qu'est-ce que tu vas lui dire dans ton évangile? Frère, je crois que c'est des cas différents. C'est le cas différent. Donc, il a modifié ton corps, tu modifies le plantain. C'est le cas différent. Puisque c'est la terre. C'est de cette terre qu'on a été fait, frère. Oui. Puisque c'est la terre. Oui. Et L'engrais que, l'engrais que tu mets dans la tête, oui, les recherches scientifiques, il n'y a pas de problème. Les recherches scientifiques ont donné l'hydroquinone qui puisse chercher, s'envoyer la peau. Les recherches scientifiques donnent la potasse pour modifier l'autre là aussi. Et c'est toujours sur la terre. Allons-y comme ça. Tu sais où on a, la recherche scientifique a amené, pourquoi ça a amené? Parce qu'il y a un boom démographique sur la terre. On a dit cela. On a dit qu'à ces rythmes-là, la nourriture va manquer. Dieu a-t-il dit quelque part ici que la nourriture va manquer? Il ne prévoyait pas qu'en 2007, 2017, on serait 7 milliards sur la terre. Bien plus, il a plutôt donné qu'on fructifie, on multiplie, qu'on soit fécond. Tu as combien d'enfants, frère? J'ai 3 enfants. Il faut encore continuer. Puisque la terre n'est pas encore remplie. On n'aime pas encore. Même le seul commandement, même qui ne dérange même personne. Chacun fuit. En Chine, quand tu as 2, on suit encore seulement. Bien, je pourrais ajouter. Bon, ça veut dire que, est-ce qu'un cultivateur alors peut utiliser les insecticides, c'est-à-dire pour désinfecter les fourmis et tout, qui nuisent, si ce n'est pas le cas? Tu veux quoi? Pour la culture, bien pour l'insecticide? Ça fait partie des produits du cultivateur. Il commence autrement. Laisse le cultivateur tranquille. À la maison, est-ce que tu tues les moustiques? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils me nuisent. Alors, si ça te nuit là-bas, tu les tues. Tu n'as pas modifié quoi que ce soit sur la nature des plantes. Puisque c'est la même chose, puisque ce sont des produits, des fongicides et tout, ça fait partie de... C'est ça qu'on appelle les phytosanitaires. Il n'y a pas de problème. Si tu vois le serpent sur la plante, tu vas le tuer, frère, sur la bananier que tu vas couper. Tu vois le serpent sur la banane là, tu qui enroule là-bas, tu vas le tuer, frère. Tu vas le tuer. Pourquoi? Parce que c'est un dangereux. Comme la fourmi. Oui. Où est le problème? Nous parlons des modifications. Je mets le sur ma peau, je suis encore marron, mais je mets l'hydroquinone, c'est un péché. N'est-ce pas, frère? Je voudrais dire ceci. Oui. Parce que l'engrais est tout par exemple le fongicide. Tout ce qui fait pour modifier la nature que Dieu a faite est un péché. Bien, par exemple, le fruit de papaye. Oui. Si je n'achète pas, par exemple, le trimangol pour traiter chez ça, pour que ça ne frère, pas, ça va. Frère, Dieu a fait le papaye là, il a pourvu de la nature d'un pas pourri, oui ou non? Oui. C'est aujourd'hui qu'on a vu que ça pourrissait. Oui. Comment? Vous ne pouvez pas corriger Dieu en sa nature. Je veux augmenter une question. Je veux qu'on peut augmenter un peu ta question. Pourquoi c'est d'être un peu éclairé? Oui. Bon, oui, pasteur. Lui met plutôt de l'engrais. Oui. Je veux savoir si vous mettez les fientes. Le quoi? Les fientes. Fientes, c'est quoi? Les cacas de porc, les cacas d'engrais. Les poules, là. C'est ce que je veux savoir. Suivez très attentivement. Vous savez qu'on appelle le fumus? Le fumier. Le fumier. Lorsque la saleté est quelque part, la terre est noire, c'est fertile, n'est-ce pas? Il n'y a pas de produits chimiques. Quand c'est la nature pourrie, parce que même toi, si tu pourris, on te met quelque part, 2 mètres sur terre, ta peau là devient un bon plantain. On met le plantain là-bas, tu montes. D'accord, frère? Mais lorsque l'homme a pris sa nature pour prendre le produit chimique et modifier pour modifier l'œuvre de Dieu, c'est un péché. Ou ne pas corriger Dieu. D'abord, les papayes produisent à contre-saison, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Les bananiers produisent à contre-saison, n'est-ce pas? Ouais. Dieu dit que le manguier, c'est une fois par an. Vous produisez combien de fois par an? Les plantains couchent même 3. Pas vrai, frère? Ouais. Autre question? Oui. Bon, attends, on prend ici. Dans la... Je vais te dire ce qu'il en est, même si ça semble être illogique. Oui. Même si ça semble être irrationnel vis-à-vis de ce qu'on a là maintenant. Parce qu'on dit que les quantités de nourriture, oui. Dans le même sens que le frère. Avant, quand tu semais dans le maïs, oui. Tu pouvais récolter sans rien mettre. Oui. Tu pouvais semer même comme la papaye. Oui. Tu pouvais trier même les jeunes sur les papayes au champ. Oui. Sans que ça en soit pourri. Oui. Mais aujourd'hui, quand tu ne mets rien, tu viens que tout que la papaye est pourrie. Attends. Avant, les papayes pourrissaient. Oui, non. Quand Dieu a fait la papaye, non. Quand Dieu a fait la papaye, qu'est-ce qui a amené la pourriture maintenant? Non, il fait tout chose barré. Comment? Le sol a fait quoi? Donc Dieu qui a dit que ça va produire toute son espèce. Moi je dis que c'est quand on met les produits au sol, c'est quand oui, on met les produits que plus sol, tard ça crée le problème. Mais un sol qu'on a mis des produits, ça ne dérange pas. Tu peux vivre une forêt que tu gardes des déchets, mais oui. Tu vois que ça a les mêmes problèmes. Donc ça a les mêmes problèmes. Donc désormais les papayes pourrissent. La semence vient d'où? Modifie. Pourri parce qu'on a déjà mis les engrais au sol. Parce que quand tu vois un sol qu'on n'a pas encore mis les engrais, la papaye, quand ça sort, c'est plus joli, plus que ce qu'on a mis. Déjà que quand il n'y a pas ces engrais-là, oui. La croissance rate dès le bas âge. La croissance de quoi? De la papaye. Donc le papaye que tu as maintenant, depuis là, pourquoi ça n'a pas raté? Ça s'est trouvé à 2012. Je prends un exemple. Le plantain qui sort ici devant, oui. Et ce qui sort dans le sol qu'on a mis les engrais, attends, c'est différent. Les papayes que vous voyez aujourd'hui viennent de la première semence. Les papayes d'aujourd'hui viennent de la première semence que Dieu avait fait à la Genèse. Comment ça a fait pour résister aujourd'hui? Déjà, je ne sais pas trop. Comment ça, je ne sais pas trop? Parce que ça a été toujours là, non? Aujourd'hui, donc, vous avez vu maintenant comment vous protégez cette espèce en voie de disparition. N'est-ce pas, mon frère? Bon. Défendez-vous de la pinja. Défendez-vous. Défendez. Ouais. Souvenez-vous de ceci. Tout ce que... Oui. Oh, c'est fort là. Vous voyez que le sommeil ne vient plus. Chacun veut résoudre son problème. Oui. J'ai une autre question. Mais c'est que, attendez, ce que vous avez, ce que j'ai dit là dans la semaine, vous avez vu ça à l'Apocalypse, non? Que Dieu va leur arriver, que Dieu va détruire ceux qui détruisent la terre. Amen. Vous avez vu ça dans la Bible? Amen. Maintenant, vous posez la question. Posez-vous la question, comment est-ce qu'on détruit la terre? Vous devez répondre à cette question. Oui. J'avais suivi dans un enseignement, dans un de vos enseignements, oui. Comment l'enfant ne devait pas voir la nudité de son père, oui. Ou de sa mère. Oui. Et mon père est mort, ça fait peut-être 2 mois seulement. Oui. Avant qu'il ne meure, il est tombé gravement malade. Tu as vu sa nudité par conséquent? Non, je n'ai pas vu. Mais sa mère, je ne sais pas. Il était malade, il est sorti pour aller à la douche se laver. Oui. Il arrive à la douche tellement il était fatigué, il s'est écroulé à la douche. Et tu as quand même vu sa nudité? Non, je n'ai pas vu. Quel est le problème alors à la nudité alors? Je vois, c'est qu'il y a un problème, je vais arriver par là. Oui. J'ai vu comment il s'était écroulé. Oui. Mais je n'ai pas vu sa nudité, j'ai seulement vu comment. Il s'est écroulé. Tu as su qu'il était au sol là-bas? Oui. Bon, j'étais à la maison seulement avec ma soeur. Oui. Je suis sortie, j'ai appelé ma grande soeur, j'ai dit à ma grande soeur que, ouais, voilà le père. Oui. Il paraît qu'il est fatigué, il s'est écroulé, mais c'est là même. Enfin, j'ai dit que, mais et comme nous ne sommes que des femmes, oui. On va même faire comment? Oui. Ma grande soeur me dit que, donc tu crois, comme nous ne sommes que des femmes, on va le laisser mourir comme ça. Mmh. Elle est quittée là. Et moi, parce que comme j'avais déjà reçu l'enseignement, ça me dérangeait. Je voulais l'aider, mais ça me dérangeait parce que j'avais déjà reçu l'enseignement. Oui. Maintenant, elle est donc allée derrière, elle a lavé. Oui. Elle a ramené. Donc, tu as laissé ta soeur voir sa nudité. On n'était que deux, je ne savais pas quoi. Non, je ne suis pas en train de t'accuser. Je suis en train de vouloir pour comprendre. Donc, finalement, c'est ta soeur qui a vu sa nudité. C'est ça, non? Oui. Quel est le problème maintenant? Ça, je ne sais pas. Je voulais poser la question de savoir. Il peut arriver que je me retrouve à la maison peut-être avec un frère qui est en train de mourir sous ma main comme et ça. Et qu'il est nu. Oui. Il fait quoi sous ta main pour être nu? Non. Ton frère, non. Tu peux être à la maison avec le courant subitement peut-être. Il tombe torse nu. Il tombe torse nu. Je vais te montrer ce que la Bible dit dans ces cas-là. La Bible nous a expliqué comment ces cas-là il faut réagir. Il faut prendre le pain, tu recules par derrière. C'est comme par derrière. C'est la Bible qui nous enseigne ça. Oui. Tu recules par derrière, tu couvres sur lui. Maintenant, tu peux te retourner. C'est femme, tu vas parvenir à la couvrir comment jusqu'à la forcer. Le corps de la femme est tellement difficile à couvrir. Oui, allons-y. Oui, frère. Ça fait ici une femme que je suis là. Oui, frère. Il y a une question, frère. Oui. On a interdit la vente des œufs depuis près d'un an. La vente des œufs? Des œufs sur le marché. On dérange un peu avec. Non, ça c'est un problème politique parce que les gens sont fermés comme ça pour que ce soit eux qui livrent le marché. Voilà. Maintenant, alors, moi, on va voyager avec les œufs, je mets dans le sac. Vous cachez, pourquoi on ne voit pas? Vous cachez, parce que quand on arrive au comptoir, les gens dérangent. Quand ils dérangent, tu ne donnes pas aussi de leur part d'œufs, ce que tu sais, frère. Généralement, je ne leur donne pas, on dit pour un trou, finalement, ils me disent que je passe. Oui. Bon, ils disent, moi, je suis étudiant et tout ça. Tu es étudiant, frère? Oui. Non, attends d'abord, attends. Comment tu fais, tu pars vite? Écoutez. Dans la réalité, tu es étudiant, frère. Oui, frère. Mais, attendons. Et tu fais quoi avec les œufs? Et tu es étudiant. Non, le problème, je mets là les sacs, mon frère, avant de voir. Non, c'est pas le problème là-bas. On a dit qu'on interdit les ventes d'œufs. Oui, tu es étudiant. Tu fais quoi? Vous étudiez les œufs, frère? Non, frère, oh, je vends, je commercialise. Donc, tu fais ça, tu fais c'est de ton gain-pain. Oui. Tu viens de deux pour acheter les formats. Les commercialise. Ok, maintenant. On dit qu'on ne veut pas que tu vends. Non, on interdit ça. C'est seulement les œufs que tu as vu pour vendre ici dehors, frère. C'est bien, avant d'interdire là. Donc maintenant, comment l'interdit? Pourquoi tu ne respectes pas dans la législation? Qu'est-ce qui t'empêche de répondre? Comment tu vas justifier ce que tu interdis? On a interdit. Pourquoi tu t'entêtes alors? Ou bien, te laisse poser ta question. Quelle était ta question? Tu veux me poser la question aujourd'hui? Quand tu me dis ça, tu n'as pas posé la question pour comment? Quand tu mets dans le sac, le but de mettre dans le sac, c'est quoi? Les yeux, on met ça comme ça, on l'expose pour qu'on voit, non? C'est pas ça, frère. quand toi tu mets dans le sac, en fait, tu mets le sac, tu mets à gauche, tu mets à droite. Tu mets dans le sac, pourquoi, frère? Oui. Oui. Oui. Quand ils voient maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand il voit, bon, il y a mon grand, j'ai suivi seulement à mon grand frère, à mon grand ami, donc c'est lui qui parle, donc celui qui sait comment. Donc, comme ça, comme tu es chrétien, tu ne sais pas frauder, tu t'amuses à ce qu'il fraude à ta place, n'est-ce pas, frère? Bon, avec un peu de chargement. Non, il n'y a pas de problème. Quand on arrête sur les œufs là, il fraude quand même à ta place, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui est malade dans la maison, tu ne peux pas chez le marabout, tu lui envoies l'argent que va, tu demandes les renseignements à ma place. N'est-ce pas, frère? C'est-à-dire que si le marabout dit qu'on part au village, tu sais maintenant qu'on peut aller au village, que c'est un tel qui a fait, mais tu n'es pas toi à aller chez le marabout. Hein, mon frère? Mais pourquoi tu mets dans le sac? Quand tu mets dans le sac, en mettant, tu as quelle pensée? Bon, la base de quand on met les sacs là, parfois il ne voit pas. Oui, oui. Donc c'est pour les déjouer. Donc on met. Parfois, on parle qu'il arrête là, il nous. Bon, c'est droit ou c'est pas droit, frère? C'est droit. Donc expose tes yeux et on les confisque. Oui, frère, ça arrive. Dans ce qui concerne la dénaturation, oui, des œuvres du Seigneur, oui, ça veut donc dire que s'il faut étendre comment le domaine de l'élevage, oui, je prends par exemple des poulets. Les poulets. Merci beaucoup, frère. Merci. Je parle, frère. C'est fort comment? Je pose la question. Vous mangez les poulets ou les poussins? On doit manger les poussins, hein? Non. Pose ta question, frère. Ma question était là, le même genre que la soeur. Donc, si tu es avec peut-être une maman, un papa qui est souffrant, oui, et qui lui parlait un peu peut-être à se nettoyer, et que c'est toi qui es là pour soulever le malade ou la malade, oui, et que de temps en temps tu vas nettoyer, comment tu vas faire? Lève ton frère, tu viens. Tiens-toi ici. Je vais expliquer ce que la Bible dit dans ces cas, d'accord? En prenant un exemple de la Bible. Un de ces jours, David, étant en cavale, a eu faim. Il est entré aller voir Abiathar. Il a demandé avec Abiathar, il dit, y a-t-il des pains ici à manger? Il dit, non, le pain est fini, sinon le pain de proposition. Il dit que si vous êtes sanctifié, si vous n'avez pas touché les femmes, il dit, ça fait, enfin, dans le désert, il n'y a pas de femmes par là-bas. Il dit qu'il a pris le pain de proposition. Et Jésus est venu dans le Nouveau Testament. Il vient dire que, n'avez-vous pas lu ce que David fit avec lui, avec les gens qui étaient avec lui, qui ont mangé le pain qui n'était réservé qu'aux sacrificateurs de manger? Mais la loi dit que quiconque mange ces choses sans être sacrificateur, il va être comment? Il doit être tué. Pourquoi David n'a pas été tué pourtant? Il a mangé le pain qui était réservé au sacrificateur, dit le Seigneur Jésus. Donc, ces pains-là, le fait qu'il mange montre qu'à cet instant, il est sacrificateur. Ouais, ça, frère? Ou bien, laissons ça, peut-être ça dérange. Voyons le sacrificateur. Le sacrificateur a pour rôle d'offrir le parfum. N'est-ce pas? Son rôle, son travail, son œuvre, c'est qu'il doit offrir le parfum. Prends ça, frère, prends le gobelet. Lève, dis spiritum in plus, sanctus. Allons-y, pour qu'on voit. Vas-y, prends. Dis, repetez spiritum sanctus. Dis, dis. Spiritum sanctus. Quand il faisait, il était sûr, frère. Quand le frère faisait. Donc, c'est pas un bon sacrificateur, c'est pas vrai. J'ai fait ça pour que vous compreniez ce qu'il fallait dire. Souvenez-vous de la question qu'il a posée. Je suis seul à la maison avec un papa qui est malade. Il est malade. Vous devez lire la Bible, frère, de la bonne façon. Il est malade. Je crois que quelqu'un a déjà posé cette question sur quelque part. Je l'ai renvoyé dans la Bible, mais il n'a pas compris pourquoi il est renvoyé. Je crois qu'il faut qu'il dise ça clairement pour qu'on en sorte. Voici un sacrificateur. La Bible lui dit qu'il doit offrir le parfum chaque jour et il ne doit pas différer de lui offrir le parfum. Quand il finit d'offrir le parfum, dépose pour le parfum, frère. Prends le livre de la loi. Ce livre de la loi dit clairement que tu feras ton œuvre 6 jours et le 7e jour, tu dois te reposer. Parce qu'en 7 jours, Dieu a fait son œuvre, il s'est reposé. Oui ou non? Amen. Lui, son œuvre, c'est d'offrir le parfum. Cette Bible te dit, tu ne différeras point d'offrir le parfum. Donc, il doit le faire combien de jours? 7 jours. On ne doit pas différer d'offrir, donc le parfum doit être toujours là. Il va devoir faire combien? 7 jours. Cette Bible lui dit que le 7e jour, il doit faire comment? Si il se repose, il pêche, oui ou non? Oui. S'il fait le parfum le 7e jour, il pêche oui ou non? Oui. Explique-moi ce que le sacrificateur va faire. Dans le 7e jour, s'il s'abstient d'offrir le parfum, il pêche. S'il donne le parfum le 7e jour, il pêche. C'est votre Bible, ça, frère. C'est votre Bible. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait si vous êtes sacrificateur? Jésus explique qu'en réalité, le sacrificateur se présente dans le temple et ne se rend pas coupable le jour du sabbat. Il ne se rend pas coupable, pourtant il est coupable dans la loi, mais Jésus qui n'est pas coupable. Puis il dit, allez apprendre dans la loi ce qu'il veut dire, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacré. Donc ça veut dire que le cas où le père est malade, c'est la miséricorde qui prime. Va t'asseoir frère. Ça va là? Voilà. Des questions? Oui. On rentre encore au champ. Non, non, ça c'est un autre cas. Oui, tout récemment, j'ai mon cousin et ma cousine là qui ont été. Attends, pour l'humidité, vous avez saisi maintenant, non? Donc ne me posez plus la question là-dessus. Donc il y a mon cousin d'abord qui a été frappé, par un esprit mauvais. Oui. Il était hanté. Là, il a commencé à faire manifester des trucs de folie. On m'a appelé, je viens là-bas, j'ai prié, il y a pas eu de changement. Donc la folie a continué. A continué. Oui. Deux jours après, sa petite soeur, la même chose. Il y avait deux cas comme ça dans la même famille, dans la même maison. Oui. On m'a encore appelé, je suis venu, ça n'a pas changé. Je suis resté aussi là-bas comme ça pour que peut-être. Pourquoi c'est toi qu'on a appelé? Parce qu'on savait que dans la famille entière, je suis le seul qui a appelé. Oui. Et qui croit en Dieu. Comment ils savent qu'en venant vers toi, ils ont la solution? Ils sont des incroyants, n'est-ce pas? Oui. Comment ils savent qu'en venant vers toi, j'arrive avant que tu poses la question. Oui. Comment ils savent qu'en venant vers toi, ils ont la solution? Oui, puisqu'ils savent que. Tu as dit que tu leur avais dit que Jésus est comment? Un Seigneur. En plus d'être Seigneur, il est. Sauveur. En plus d'être Sauveur, il est. Il peut faire tout. Non, tu es allé là-bas maintenant, il n'a pas tout fait. Il n'a pas tout fait. Dieu maintenant pose la question. Bien. Et je suis resté comme ça peut-être pour aussi avoir. Pour savoir si peut-être le Saint-Esprit pourrait me montrer une direction, pourrait me donner vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'a pas dit. Il y a eu seulement le calme. Bon, la famille s'est mobilisée. Mais le calme n'était-il pas de dire que reste calme? Ou bien tu avais la non, direction? Non, je n'ai pas compris une voix. Il est resté calme, non? Il est resté calme. S'il était calme, ça veut dire que reste calme comme moi. C'est pas ça peut-être? C'est pas une réponse, hein? Ça peut être une réponse. On a posé question au Seigneur, est-ce que le fils de Dieu? Il a fermé la bouche, non? Continuons, frère. Bien. Et la famille s'est alors mobilisée à aller voir. Chez les marabouts. Oui, chez les marabouts. Oui. Ils sont allés chez les marabouts, il n'y a pas eu de suite. Mm-hmm. Ils sont allés voir le prêtre. On est allé même chez le prêtre. On m'a même demandé de les porter à aller chez le prêtre. J'ai dit que non, je ne suis pas. Pour le moment, je suis calme. Donc tu as compris la voix du Saint-Esprit. Pour le moment, je suis calme. Même oui. Bon, c'est la famille alors, ils se sont débrouillés. Et ils sont allés chez le prêtre. Le prêtre a prié, il n'y a pas eu de calme. Oui. Il n'y a pas eu de changement. Ils sont rentrés maintenant et puisque c'était à Penja, ils ont alors pris, on les a dit qu'il y a un prophète à Melon. Oui. Ils sont allés, ils ont pris une course avec les deux malades directement chez le prophète. Il n'y a pas eu de. Bon, finalement, c'est chez le marabout, oui. Au village, oui. À Bacham, oui. Qu'on a essayé de. Il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Oui. Bon, pour moi, je voudrais poser vraiment la question. Oui. À savoir pourquoi est-ce que, en fait, dans cette situation-ci, oui. Un enfant de Dieu vient, il prie, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je te pose une question simple. Oui. Quand tu avais invoqué là-bas, mon nom était parmi. Non. Pourquoi la personne à qui tu as invoqué, il n'a pas répondu? Pourquoi tu ne lui as pas posé la question? Pourquoi tu peux me créer le problème avec lui? Non, ce n'est pas le problème de te créer le problème. Suis-moi très attentivement. Oui. Quand tu es allé là-bas, qui est fou ici, là, pour que j'essaie de voir comme. C'est des femmes ou bien des hommes? Un homme et femme. Bon. Comme vous êtes proches, là, il vous prend vous deux, d'accord? Je vois que vous avez mis vos mains de la même façon. Le premier était quoi, une femme et un homme? Un homme. Est-ce que tu es allé là-bas, tu as dit qu'au nom des juniors, sors! Tu as dit ça? Non, ce n'est pas vrai. Tu as dit pour la deuxième, au nom des juniors, sors? Non. Maintenant, quand tu as pris le nom de qui? Tu as prononcé, il y a un changement. Son nom a-t-il changé? Non. Lui, a-t-il des problèmes? Non. Qui a un problème dans cette affaire-ci? C'est les malades. Ok. C'est bon. Non, c'est bon. On passe des bons moments, n'est-ce pas, frère? Oui. Quand vous avez fini, calmez-vous, je vous pose la question. Et vous savez, devant les questions, là, vous savez automatiquement la question que vous voulez poser, n'est-ce pas, frère? Aide-moi à poser la question. Pose-lui la question. La question est posée de quoi? Il a dit que le problème là-bas, c'est le malade. Pose-lui la bonne question maintenant, à l'issue de cela. Quelle est la question qu'on peut lui poser? Pourquoi tu n'as pas guéri alors le malade? Il dit le problème, c'est le malade. Quel est donc le problème que le malade a dans cette affaire? C'est qu'il a eu la malchance d'être fou. Jésus, j'ai posé la question. Tu as mis la main, tu as dit au nom de Jésus, tu as dit qu'il n'y a pas eu de changement. J'ai dit, est-ce que le nom du Seigneur Jésus a changé? Tu dis non. Est-ce que Jésus a un problème dans cette affaire? Tu dis non. Il dit, qui est le problème? Il dit, c'est le malade, il a refusé de guérir. Bon, il pose la question, quel est son problème là-dedans? Le problème du malade? Oui. Bon, le problème du malade, c'est qu'il est malade et il veut être guéri. Non, je suis attentivement. Il va encore revenir ici. Tu mets la main, tu dis, au nom de Jésus-Christ, fou, cesse d'être fou. Ici, venez. Au nom de Jésus, fou, cesse d'être fou. Tu te tournes, je suis toujours fou. Tu poses la question, le nom de Jésus a changé? Non. Ce nom-là, il a modifié? Non. Jésus a-t-il le problème? Non. Qui a le problème ici, dans ce cas-ci? Ah, c'est moi. Ok, c'est bon, encore, je vais encore vers toi. C'est moi. Quel est ton problème? Mon problème est que ces malades guérissent. Non. Je vais encore recommencer. Qu'est-ce qui fait? Le nom de Jésus-Christ est censé fonctionner. Automatiquement. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Le nom de Jésus-Christ est censé fonctionner. Jésus-Christ, lui, il n'a pas de problème. Qui a des problèmes? Ok, la question que je pose, c'est quel est ce problème que tu as? C'est parce que je n'ai pas pu guérir les malades. C'est toi qui dois guérir. Par le nom du Seigneur. Oui, par le nom du Seigneur. Oui. Alors, le problème se situe à quel niveau? Je ne sais pas. Bon, ok, mieux. Le marabout, lui, a utilisé quel nom? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas la langue. Mais il a eu la guérison. Ils ont eu la guérison. Donc, ça veut dire que le démon que le marabout la servait était plus grand que celui de ta foi. Donc, parce que toi-même, tu as confessé qu'ici, il y a un miracle et nous ne pouvons pas le nier. C'est pas ta frère. N'as-tu pas confessé ça? Parce que si tu te tiens là avec le marabout va dire, ok, tu as fini de prier, il dit oui. Maintenant, il fait ce qu'il a fait, il guérit. Il dit, tu es obligé de suivre maintenant que ma part est plus forte que ta part. Tu vas le suivre? Non. Si tu ne suis pas, tu es malhonnête parce que ta part ne fonctionne pas. Alors, sur cette base-là, tu peux aller encore dans ta famille pour dire aux gens que ne partez pas chez le marabout. Est-ce que tu peux aller vers eux, les fous, là, tu dis bonjour, le fou bonjour, ancien fou bonjour. Ne pas plus chez le marabout, hein. Tu peux aller lui dire ça, frère. Non. Est-ce que depuis, tu passes même encore là-bas? Non, en vérité, je suis plus passé par là. Pourquoi, frère? Le nom de Jésus est... Si doux le Dieu des amants le coup, il nous appelle. Lui, chante, hein? De vous précis, le nom de Jésus. Béni soit ton nom. Il chante, Seigneur Jésus. Oh, merveille. Jésus, tu es le rançon. Où est la dangerosité de chanter les cantiques avec les yeux fermés et les chairs de poule sur nous, n'est-ce pas? Le nom du Seigneur Jésus-Christ n'est pas une allumette, une amulette. Vous savez, les amulettes. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le talisman. Le nom Jésus, écoutez très attentivement, le nom Jésus contient la puissance du ciel en effet. Amen. Le nom de Jésus. Mais cette puissance-là ne fonctionne que pour tous ceux qui sont entièrement soumis à la volonté du Très-Haut. Amen. Uniquement. Amen. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. C'est ce qu'il voulait dire. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Père, je sais que tu m'exauces toujours parce que j'ai fait ce qui t'est agréable. Lazare, sort! Vous avez vu ça, frère? Parce qu'il est soumis totalement là-bas. D'accord? Donc, ça veut dire que voilà le problème. le nom de Jésus, ce n'est pas à répétition, le fait qu'on répète la répétition qui ça marche, ce n'est pas ça. C'est que le nom Jésus a vraiment une puissance. Et souvent dit, pour activer, pour avoir accès à ce que quand tu dis Jésus, que ça fonctionne pour toi, c'est-à-dire quand tu dis Jésus, pour que le ciel dise, ok, lui, nous sommes derrière cette autorité, il faut que tu sois soumis là-bas. Donc, il faut chercher la soumission à l'autorité divine. Pour que ce pouvoir-là, il soit conféré. La prononciation du nom Jésus est donnée à tout être, même les démons. La prononciation du nom, n'est-ce pas à dire que les démons ne peuvent pas prononcer le nom Jésus. Si tu es dans le royaume satanique, on t'attrape même dans le rêve. Quand tu prononces Jésus, ça fonctionne, parce que c'est Jésus-là, c'est prononcé des fois avec une onction. Eux-mêmes, ils prononcent des démons. N'est-ce pas un démon à demander à une personne, Jésus, je connais. L'apôtre Paul disait, qui c'est toi, c'est le démon avait prononcé Jésus, oui ou non. Quand il a prononcé Jésus, il a fait comme ça. Il a poursuivi plutôt celui qui délivre au nom de Jésus. Dis à ton voisin, fais attention. Non, c'est pas de dire que les démons ne peuvent pas prononcer le nom. Ils prononcent. La Bible nous montre ça. Ils prononcent. Donc, ce n'est pas la prononciation du nom Jésus. Mais le nom Jésus précieux avec puissance. Pour que la puissance accompagne ça, il faut que tu sois toi qui prononces, tu sois soumis dans le royaume céleste. C'est-à-dire que le ciel t'est commissionné. C'est-à-dire que le ciel t'est commissionné. Quand tu as une commission, tu peux venir dire, je viens au nom de tel. Les gens ont dit que oui, c'est nous qui l'avons envoyé. Ça donc les questions. D'accord, frère? Amen. Maintenant, le problème, c'est qu'on peut te commissionner, tu ne sais pas. On peut te commissionner, tu ne sais pas. Donc, si tu pars quelque part, ça te dépasse. On est que les démons te déshabillent. Reste ça, tranquille. Et souvenez-vous de ceci. Ne donnez pas un faux témoignage du nom de Jésus. N'allez pas dire que non, Jésus peut vous guérir. Je peux vous guérir en comparant le 6-94-01-94-40. Jésus, que je peux vous guérir. Le 6-94-01. Vous savez où ça sonne? Vous savez où ça sonne, n'est-ce pas, frère? Ça sonne où? Le frère Junior. Dis à ton voisin, Jésus n'habite pas chez le frère Junior. Il n'habite pas là-bas que 6-94. Vous avez un problème. Après, dit frère. Oh, le frère, si quand on l'appelle, chaque fois, il n'est pas jamais allé. C'est toujours la soeur grâce qui prend le téléphone. Jésus n'a pas dit qu'il habite chez nous. Le nom Jésus est donné à ceux qui sont soumis au royaume. Quand ils sont soumis au royaume, comme Dieu l'a voulu, il leur donne l'autorité dans le nom de Jésus. D'accord? Voilà, que Dieu vous bénisse, si vous avez compris cela. Donc le secret dans l'autorité du nom de Jésus réside au niveau de la commission. Oui. Je vais toujours revenir dans mon activité. Oui, allons-y. Là, on paye les impôts, oui, on ne paye pas les impôts, là, on dribble là, n'est-ce pas? Oui, d'abord, allons d'abord. D'abord. Là, c'est quand on conduit la moto, on a quel permis? Tu l'as fait? Non. Ok. Si le policier t'arrête, ou le police municipal, il dit permis de conduire. Si tu ne sais pas de l'autre côté. Tu les esquives. Il dit qu'il ne fonce pas de l'autre côté. Donc il s'arrange à l'aide de vie. Mais arrangeons-nous parce qu'on dit 99 jours pour le volant, un seul jour pour le grand. Un jour maintenant, tu portes quelqu'un. Il te dit que passe par le tête avant. Je vais te déposer même 1500. Ce jour-là, ta femme dit que j'ai besoin de l'argent. Tu pars là-bas. On t'attrape. On dit permis de conduire. Tu fais comment? Comment tu ne parles pas? Ils vont mettre la moto en fourrière. Pour retirer la moto en fourrière, il faut combien, frère? 25 000. Le permis catégorie A, c'est combien, frère? 20 000. Okay. Vous avez vu, n'est-ce pas? Et tu es sûr que si on met ta moto en fourrure, tu pourras retirer, frère? Ça va sortir, frère. Ça va sortir. Pointez le doigt vers ses frères. Voilà, c'est bien ça, frère. Tu as bien suivi déjà? Donc cherche le permis. Amen. Madame, si elle ne prend pas le permis, l'argent qui vient à la maison, donne-lui que prends l'argent qui fait le permis, d'accord? Allons-y. La question, c'est que le gouvernement n'a pas fixé un prix sur le tarif des motos. Oui. C'est-à-dire quoi que j'ai le prix de la taxe? Disons, le coût du transport, du trajet. Oui. Ça se négocie, non? Ça se négocie. Oui, quel donc, si, par exemple, maintenant, je fais mon permis, je m'arrange d'avoir tout le papier. Oui. Et j'augmente mon tarif. C'est-à-dire, par exemple, combien? Oui, vas-y. Un trajet normalement que je fais souvent à 100 francs, par exemple. Oui. Maintenant, je monte à 500. Oui, si tu montes 500, c'est que tu ne veux pas prendre, tu vas le forcer. Si tu dis 500, il monte, c'est que tu as fixé ton tarif, non? Ça veut dire que le marché est libéral. C'est simple, est-ce qu'il y a un problème? Des questions? Oui. Comment subitement on a pris le sommeil? Oui. Oui, c'est concernant mon père, avant sa mort. Oui. Bon, nous on a un compteur. Oui. Un compteur qui vient directement de la Somme. Je rends grâce à Dieu pour le fait qu'il ait prêché ces choses ce soir. Je rends grâce au Dieu que j'étais du fait qu'il ait prêché ces choses ce soir pour qu'on tienne ferme, n'est-ce pas? Amen. Allons-y maintenant. Bon, on prenait notre lumière directement sur notre compteur. On payait à la Somme. Oui. Maintenant, le poteau qui nous alimentait avec les voisins, oui, est tombé en panne. Oui. On a fait les requêtes à la Somme. Ils ont refusé. Oui, ils ne passaient. Ils ne géraient même pas. On a même déposé un peu d'argent. Ils ne venaient même pas. Oui. Entre-temps, chez vous, on n'avait pas la lumière. Ah, non, entre-temps, on est resté un bon dans temps, l'obscurité. Une semaine. Mm-hmm. Bon, il y a un gars dans le quartier maintenant. Qui est électricien. Qui touche un peu les lumières partout. Oui. Mm-hmm. Il a donné la lumière. Il a donné la lumière comment? Non, il fraude, non. C'est non, doucement. Ne parle pas rapidement, tu passes. Je te vois venir. Un gars là, au quartier, il donne la lumière. Il a sa propre lumière. Non. Il travaille à la sonnelle. Non. Donc, comment il donne la lumière? C'était entre lui. Donc, il fraudait. Oui, il fraudait. Il a donné la lumière. Il donne pour vous. Je vais citer un verset de Bible pour me compléter avant qu'on avance. Mm-hmm. Celui qui partage avec un voleur est ennemi. Continuons. Bon, maintenant, celui qui lui donnait la lumière, il avait fixé un taux qu'il devait payer. Oui, donc il est devenu votre sonnelle. Oui. Mm-hmm. En attendant que... la sonnelle vient arranger. Quelqu'un vient arranger. Mm-hmm. C'est comme ça qu'ils ont traîné, peut-être 3 mois ou plus. Oui. Bon, après, quand ils sont venus arranger, le père n'a plus voulu lui faire de l'autre côté. Mm-hmm. Sur son compte. Attends. Le père a voulu continuer avec le garçon là. Oui. Parce que c'était déjà bon. Oui. Mm-hmm. Uh-huh. Oui. Alors qu'en réalité, on a même que les anciens compteurs, que par contre, ce ne sont même pas trop chers. Oui. Bon, moi maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai dit à mon père que ce qu'on fait là, c'est le faux. Oui. On ne devrait pas. Mm-hmm. C'est mieux qu'on rentre sur notre. Mon père m'a dit de quitter là-bas avec mes affaires de Dieu là. Oui. C'est comme ça qu'on a fonctionné jusqu'à ce qu'il est mort. Oui. Ils vous ont laissé dans la fraude. Oui, dans la lumière. Ils sont devenus tellement amis qu'à un moment, on ne payait même plus. Jusqu'au jour, on ne paye même pas. Oui. On est resté comme ça. Je ne suis qu'à la maison maintenant avec ma mère et ma fille. Oui. Dernièrement, j'ai dit à ma mère que maman, est-ce que tu sais que la lumière, c'est. J'ai toujours suivi un enseignement comme ça qui m'a encore boosté. Moi, je savais déjà que c'était le vol. Bon, oui. Comme je parlais à mon père, il ne comprenait pas. Uh-huh. J'ai suivi encore un enseignement qui m'a boosté. Uh-huh. Je suis rentrée, j'ai dit à la mère que, ouais. Là où je suis, je voudrais que appeler un technicien pour qu'il remette notre courant sur notre compteur. Entre-temps, le compteur, puisque le compteur est installé, la facture vient chaque fois. Ça venait, il n'y avait rien. Non. C'était juste 0-0. Oui. Mais les gens ne se posaient pas la question que vous avez la lumière ou vous n'avez pas la lumière. Les gars qui veulent la lumière sont en complicité avec eux. Ok, nous continuons maintenant. Voilà. Donc, tu te trouves dans l'état avec ta maman. Oui. Maintenant, j'ai dit à la mère que je voudrais qu'on remette le courant sur. Quand on rentre la ville originale. Moi, oui. Comme je travaille déjà, je vais m'engager, je vais payer tous les. Oui. Ma mère a dit que non, elle ne veut pas. Oui. Qu'est-ce que c'est bon à elle comme ça? Oui, qu'elle veut prendre. Elle veut la mettre dans les complications, qu'après qu'elle ne veut pas payer, elle va se mettre à réfléchir. Elle dit que non, j'ai dit qu'elle prend l'engagement de payer tous les mois comme je travaille déjà. Elle a dit non. Et puis, elle s'est arrêtée là. Oui. Jusqu'aujourd'hui, on a toujours la même lumière. Oui. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Tu ne sais pas quoi, ma soeur? Je ne sais pas si j'avais autre chose à faire. Quand tu veux chercher quelque chose qui est égaré, tu utilises quoi pour regarder? Quand tu veux passer ton avis par l'autre, tu utilises quoi? Le courant, là, moi-même, j'utilise ça. Mais ça me dérange parce que je n'ai pas les yeux. Donc, quand ça te dérange, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, non? Oui. Qu'est-ce que tu comptes faire, donc? Quand je lui ai posé le problème, elle a refusé. J'ai pris l'engagement de chercher un technicien quand il ne sera pas là. Oui. Pour connecter sur notre compteur. Oui. Mm-hmm. Et tu l'as fait? Non, pas encore. Mais tu as pris l'engagement depuis quand tu as pris l'engagement là? Ça fait un mois. Donc depuis un mois, tu n'as pas encore trouvé de technicien. J'ai encore essayé de parler avec elle. Elle était toujours dure. Mais tu as pris l'engagement de faire ça quand il ne sera pas là, non? Mm-hmm. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Je vais le faire. Amen. Des questions? Ouais, c'est pas ta maison. Comment? C'est pas ta maison. Pourquoi tu as mis ici? C'est pas ta maison. Bon, elle sort de la maison, non? Elle sort de la maison. Elle dit? La mère me dit où je sors. Ou bien tu conseilles la faute. Là avec elle, on n'est que deux. Quand je reste, même, c'est surtout pour elle parce que c'est moi qui prends encore soin d'elle. Elle fait donc quoi? Elle fait comment? Donne-lui la solution. Non, non, regarde là, tu lui donnes la solution. C'est difficile pour elle. Puisque en sortant, ta maman est fatiguée. Oui. Troisième match. En restant, elle pêche, oui ou non? Je réponds, frère. En restant, elle partage. Non, laisse de prendre qu'elle prenne son examen. Nous sommes sur la lumière. Mm-hmm. En restant là-bas, en participant dans cette voie de lumière, elle pêche oui ou non? Si. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'elle doit sortir. Dis-lui. Et si on sort maintenant, ta maman. Non, mais dis pas que si on sort. Je n'ai pas demandé qu'elle sorte. Est-ce qu'elle demandait qu'elle sorte? Non. Dis-lui donc, regarde là-dedans. Je te dis que sors de là. On peut tout le temps la sagesse. Mais elle est à côté. Oui. Le mieux, c'est connecter. Tu as suivi la sagesse là. Bon, si c'était toi, tu ferais comment? Je serais venu exposer ça à l'Assemblée pour que vous en souveniez. Comme la solution maintenant, je te pose que si ça avait été toi, tu prendrais quelle décision? Nous sommes à l'Assemblée là, quand tu en as exposé là. Bon, comme j'ai suivi que c'est mieux que quand la main serait par la chaise, je vais connecter. Ok, c'est ce que tu vas faire, frère. C'est ce que je vais faire. Ok, oui. Et maintenant, mon travail sur lequel je comptais pour payer. Maintenant, oui. J'ai trouvé encore qu'il y a un problème. C'est toi qui as posé le problème d'œuf là tout à l'heure. Là. Que Dieu te fortifie, d'accord? Souvenez-vous, chacun a son. L'eau, chacun a son. Elle a le problème des négociateurs, des problèmes pour 5 000, 9 000 euros. Celle-là a le problème. Lui, il a le problème d'engrais pour modifier le sol. Celui-ci, il a le problème d'aller vendre à 100 francs, à 200, venir donner tout le problème à la main. L'autre là, à vendre les faits des deux, 200 euros de là-bas. Chacun a son problème. Oui. C'est ça qui est beaucoup comme ça là. Des questions ici. Oui, mon frère. J'ai une question, frère. Oui. Ma question se trouve dans le psaume 101 et 1 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 6 et psaume 101. Oui. Mm-hmm. Dans le psaume 101, le verset 3 dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Oui. J'ai la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas à moi. Elle ne s'attachera pas à moi. Oui. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 15. Mm-hmm. Il y a-t-il entre le temple de Dieu et celui? Vas-y, pose la question directement. Oui. La question se situe directement au niveau du verset 17. Oui. Qui dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Mm-hmm. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. C'est quoi ne pas toucher à ce qui est impur parce que de nos jours, nous, nos yeux regardent tellement de choses. Ces choses sont bonnes, ces choses sont mauvaises ou c'est pas bon? Elles sont mauvaises. Qu'est-ce que le psaume a dit? Le psaume a dit que je ne mesure vraiment rien de mauvais. Donc, ça veut dire que quand tu vois quelque chose, quand c'est mauvais, tu sais que c'est mauvais. Oui. Mais il dit qu'il ne mettra pas ça devant lui. Oui. Il ne mettra pas. Et 2 Corinthiens 6. Oui. Verset 2 dit que ne touchez pas à ce qui est impur. Toi, tu vois ce qui est mauvais, tu touches, frère. Je prends un exemple, frère. Paf. Tout à l'heure, on était au lieu du thé en haut là. Oui. Il y avait une bouteille de bière au sol. Oui. Oui. Oui. Selon ma conscience, c'est quelque chose de mauvais. Oui. Je ne dois même pas toucher. Oui. Oui. Mais il arrive que j'arrive dans un endroit où ça se trouve sur une place où je dois le placer. Oui. Oui. Que je touche ça. Oui. Mais non, tu jettes un exemple. Parce oui. Il y en a tellement. Lève-toi, tu viens, frère. Viens, frère, viens, tu as un exemple. Ce frère, il vend des chaussures vers l'école publique là-bas. D'accord? Il met les chaussures au sol. Quand je vais à la radio, je rentre chaque fois, j'ai constaté que ce sont des belles filles qui viennent lui acheter les chaussures. D'autres, pendant qu'elle a discuté avec elle, on les sent vraiment exposées. N'est-ce pas, frère? Entre temps, derrière lui, directement, se trouve une discothèque. On a mis le bave sur son oreille. C'est parce qu'elle a même sa cervelle au-dessus du bave. C'est ça, frère. Pendant qu'il dit 5 000 à la fin, par réflexe, son pied tape au sol comme ça, au rythme de la musique qui est derrière, n'est-ce pas, frère? Un temps, même quand il rentre encore le soir, il entend encore ça en rythme, dum, dum, dum, dum, n'est-ce pas, frère? Les choses impures ne sont même pas devant ses yeux, c'est déjà entré en lui. Va t'asseoir maintenant, frère. ce n'est même plus devant. Donc c'est tellement entré au point où, même quand c'est devant lui impur, il ne voit plus. La question c'est, comment peut-il faire, puisqu'il vend là-bas et ce n'est que les filles là viennent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Les filles là viennent, quand elles se baissent comme ça souvent pour essayer, comme il est assis comme ça, les fesses là sont au-dessus de son nez. C'est pas ça, frère? Elle se lève, vous avez posé tout le monde pour dire c'est combien? Les seins sont exposés. Quand elle dit c'est combien, tu dis que 5000 en fermant les yeux. Hein, frère? Je suis en train de parler par ça parce que il en a parlé de la bouteille de bière. N'est-ce pas? Alors que voici le grand danger. Que fais-tu? Tu pousses tes seins que tu es là-bas. Il touche. Tu sais, souvent, l'autre fait encore comme ça devant lui. Il enlève les 5000 là où c'est dangereux. Il lui donne. Il prend avec deux mains. En faisant un. Que Seigneur, tu es Dieu. N'est-ce pas, frère? Après, tu donnes ça à ma soeur Joyce. Que prépare-nous la nourriture avec. N'est-ce pas, frère? Comment tu fais pour éloigner ces choses devant toi? Hein? Tu bagarres, comment tu t'en sors? Tu es déjà vainqueur. Je compte sur le Seigneur. Non, il dit pas, tu vas faire comment? Il dit que tu fais comment? Des questions, frère? On a intégré une million plastique. Oui. J'avais qu'on en parle. Il dit, on a des bons moments ce soir, n'est-ce pas? Et j'avais qu'on en achète. Tu parles d'acheter un paquet de 10 là. Oui. Il achète pour emballer les yeux. On a intégré ça pour quoi? C'est pas à. Ça contribue à la pollution. Au réchauffement. Et le gaz, le gaz a fait la destruction de la couche d'ozone. Oui. Ok, on a interdit. Et ça, on a produit pour emballer. Oui. Les bon, on a interdit et puis on a produit ce qui change. On a produit ça. Hein? Bon. Est-ce qu'on a produit donc ce qui on a interdit que n'utilisez plus ici? On a donné les interdictions aux industries qui produisaient cela, n'est-ce pas? Et on a commencé à mettre sur pied ce qu'on doit utiliser, non? N'est-ce pas, frère? Y a-t-il ça sur le marché? Il n'y a pas. Hein? Comment? Attendez, écoutez. Est-ce que c'est votre problème, c'est votre souci, c'est lui qui a les soucis. Il vend les yeux qui sont cassés, qu'on a dit qu'on ne vend pas. Alors, y a-t-il des nylons biodégradables? Ça va nous dire que la durée de vie... Bon, je n'ai pas fait le coup des radioactivités ici par rapport à la désintégration. Ce que je veux dire, c'est ceci. On a dit que le nylon est mauvais, n'utilisez plus. Les gens sont têtus, ils disent toujours non. Un temps, ils ont dit qu'ils n'utilisaient pas, maintenant ils sortent. Maintenant, c'est tellement léger, c'est avec ça qu'on emballe les œufs qu'on a déjà interdit. On a interdit qu'on ne vend pas, tu vends. On a interdit le nylon là, tu participes. Maintenant, il y a aussi le paquet de papier qu'on doit utiliser. Attends, non, comment tu me parles? Il y a ou il n'y a pas? Il y a, mais c'est cher. Il dit qu'il y a, mais c'est trop cher. Vous voulez qu'il fasse quoi? Ok, la question c'est quoi? Faut-il utiliser ou faut-il pas? D'abord, tu dois vendre les œufs. Si tu ne vends pas les œufs, tu n'as pas besoin d'utiliser les papiers là, n'est-ce pas? Parce que c'est dans les œufs que tu utilises. Mais comme le problème des œufs, c'est dans le politique là, frère. Mm-hmm. C'est comme dans le politique. Non, si toi tu ne fais pas la politique, tu respectes seulement la politique. Il a dit aujourd'hui que donne à César ce qui revient à César. C'est simple, non? Donc tu ne vends pas les œufs, tu vends autre chose. Posez des questions. Encore, oui. Nous sommes là pour résoudre le problème. Je travaille pour une femme qui vend les tampons, toujours dans un autre lycée. Oui. Bon, maintenant, elle me payait le transport. Elle me donnait 1000 francs pour le transport par jour. Oui. Je vais partir le matin. Donc, 1000 francs de transport étaient pour la journée. Elle savait que je dois payer 1000 francs de transport selon comment elle avait calculé. Oui. Bon, il m'arrivait de porter maintenant les marchandises, je négocie. Ou je dois prendre à 250, je dis 200. Le tassement me prend. Oui. 50 là, je mets dans mon compte. Oui. J'ai fait comme ça, 4 tours. Oui. J'ai 200 francs. Oui. J'ai 200 francs qui me reviennent. Oui. Bon, j'utilisais souvent les 200 francs. Oui. Bon, quand j'ai suivi encore l'enseignement, une fois, sur la restitution. Oui. Ça m'a dérangé un peu. Pourquoi ça t'a dérangé? Moi, je ne. Ça m'a dérangé parce que. Pourquoi? C'est comme si peut-être j'étais censé rentrer lui remettre les 200 francs. Non, on t'a donné 1000 francs pour le taxi. Elle me donne 1000 francs le taxi. Comment ça, 1000 francs le taxi? Maintenant, supposons que tu vas maintenant, les 1000 francs suffisent pas, tu fais comment? Ça doit suffire. Oui. Maintenant, si tu mets les 1000 francs en poche, tu marches plutôt avec tes deux pieds maintenant. Tu fais comment avec les 1000 francs? Non, j'utilise. Non. Parce qu'il arrive même parfois que je trouve mon frère qui m'amène. Moi, il garde 1000 francs parce que c'est mon transport. C'est normal que je dépense. Mais ici, maintenant, quand il y a les restes des 50-50, non, non, si tu veux remettre les 50-50, même quand ton frère porte, viens lui donner. Tu dis que non, mon frère m'a porté. Tu comprends? Parce que tu n'as pas payé la taxe. C'est ça, non? Donc, je lui ai remis pour rien, il ne fallait pas. Ok. Donc, on va se récupérer, d'accord? Oui, c'est ça. Et on a quitté le travail. Des questions? Oui. Je vais lire. Il est quelle heure? 5h. C'est bon, pas vrai, frère? Non, je vais bien. Oui. Attends, c'est ta question, c'est toi qui as écrit? Fais-moi une fois, tu dis exactement. Non. Ok. Vous entendez là-bas? J'ai trop crié. C'est une seule question. C'est juste que j'ai un peu. Il y a un chat dans le niveau là-bas. Oui. Je dis. Si ayant cru en Jésus-Christ, étant baptisé en son nom, s'efforçant par la grâce de Dieu de mettre en pratique sa volonté, en marchant selon ses voies, et après s'être examiné soi-même et de comprendre que tu as pu par sa grâce, par la grâce de Dieu, je vais dire, enlever ce qui peut être un obstacle pour ta marche envers le Seigneur. Sachant tout de même qu'il y a encore ce que tu ne peux pas enlever, mais que c'est au Seigneur seul de le faire. Ma question est la suivante. Est-ce que tu peux donc, après avoir fait le renoncement, c'est-à-dire mourir en soi-même, laisser que oui, mourir en soi-même et laisser que Christ vit en toi, prendre de l'autorité en son nom, au nom du Seigneur Jésus, en tout temps, avec la ferme assurance, sachant que c'est Christ en toi qui agit, comme dans ce livre. Dans ce livre exercice, dans le livre de Marc, au chapitre 16, versets 16 à 18, oui. Et acte 9, le chapitre 34 et 40. Ok. Oui, et sinon, qu'est-ce qui nous manque encore à savoir pour notre avancement? Merci, bonne question. En réalité, il manque la patience pour le temps de Dieu dans l'accomplissement de son œuvre en nous. C'est ce qui manque aux chrétiens. Lorsque vous lisez la Bible de la bonne façon, vous voyez que chaque personne qui a fonctionné a eu un temps de préparation et un temps d'envoi. Chaque personne croit aujourd'hui qu'il a cru. Après, il arrive devant, comme celui-ci tout à l'heure, il voit l'obstacle, il commence à se poser des questions. Donc, ça veut dire qu'il allait vite en besogne. Le fait qu'on a écrit dans la Bible que voici le miracle qui accompagne ceux qui auront cru, il faut d'abord poser la question, tu as cru jusqu'à croire le nouveau que la croyance veut croire? Tu dois répondre à cette question. D'accord? Lorsque tu arrives, parce que tu dis que, est-ce que, lorsque, malgré que je sois dans cette marche, sachant que c'est Christ en nous qui faisons l'œuvre. Si c'est Christ en nous, véritablement, qui fait l'œuvre, ça n'aura pas d'obstacle. Parce que Christ n'a pas d'égal. Personne ne peut bloquer Christ. Vous voyez? Alors maintenant, si ça a le problème, ça suppose que tu as envie de croire que c'est Christ qui a envie d'agir, alors que mais c'est ta volonté que tu as envie de mettre là-dedans. Et maintenant, si c'est ta volonté va vouloir prendre autorité. Mais il n'y a pas de verset biblique pour nous dire de prendre autorité. Il n'y a pas de verset biblique pour demander aux chrétiens de prendre autorité. Un démoniaque est couché. Tu dis, je prends autorité sur toi. Le démon dit, prends alors. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait par contre? On fait quoi par contre? Au lieu de prendre l'autorité, qu'est-ce qu'on fait? On exerce l'autorité. Vous voyez donc, pour que vous exercez l'autorité, il faut que ça vous soit donné. C'est ça, n'est-ce pas? Le gouverneur dans la province ou bien dans les régions peut décerner les médailles d'honneur, des distinctions. Lors des 20 mai, ils le font, n'est-ce pas? Mais c'est en vertu des pouvoirs qu'ils sont. Pourtant, il est gouverneur. Il ne peut pas décider d'un coup comme ça pour décerner le médaille à quelqu'un. Ça doit lui être conféré. Il est gouverneur. Chaque moment, il est gouverneur. Mais il y a un moment où le pouvoir lui est donné en vertu de la loi pour qu'il puisse exercer cela. Il exerce, il dit, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je te dessine la médaille de bravoure nationale. Pas vrai, frère? Est-ce que les gens vous ont dit que mais, ta tête me plaît? Te donne la médaille. Il peut faire ça? Hein? Le chrétien exerce l'autorité qui lui sont conférées par le ciel. D'où la nécessité d'être reconnu en haut. D'où la nécessité d'être reconnu en haut comme tel. Il y a des gens qui vont mourir dans la foi chrétienne sans exercer l'autorité du ciel sur la terre. Mais donc, l'appel est de vivre la vie simple de Christ pour marquer son temps dans la vie simple. Je me pose la question. Ça ne vous semble-t-il pas bizarre que Lot ait été dans la ville de Sodome et Gomorrhe, les gens commençaient la question de l'homosexualité. Lui décide de ne pas faire. Il ne disait pas aux gens que ce n'est pas bon. Pourquoi il ne le disait pas? L'apôtre Pierre, il est sur le toit, il a cette vision-là, on l'envoie appeler. Il sort, il traverse de sa ville pour aller là-bas, c'est 100 km. Il ne s'arrête pas quelque part pour prêcher l'évangile, il part chez celui qu'il a appelé. Il n'a pas vu les gens en route. N'est-il pas écrit d'aller prêcher le bon nouvel à toute la création? Ce qu'il a traversé là, c'était qui? Hein, frère? Mais les chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Dans la voiture, donne ta vie à Jésus, n'est-ce pas? Ils sont le poussé, donne ta vie à... Il vous faut la repentance. L'apôtre Paul l'avait été enchaîné, n'est-ce pas? Par la volonté de Dieu pour aller à Rome, n'est-ce pas? Il était avec les prisonniers dans le bateau, oui ou non? Avec le gelé, oui ou non? A-t-il prêché l'évangile? Non. De là, ils ont quitté jusqu'à Marc, l'île de Marc, ils ont chuté jusqu'à arriver à Rome. Ils ont prêché l'évangile? Non. Pourquoi? N'a-t-il pas reçu la commission d'aller prêcher cette lumière-là dans le monde? Non. Ceci n'avait pas besoin, frère. J'ai dit, vous allez lire votre Bible tout simplement autrement. Parce qu'on croit que c'est la grande commission, il faut que chacun soit sauvé. Pourquoi n'a-t-il pas fait? Il leur a dit même que la nuit, l'ange du Seigneur, dont je suis serviteur, m'a dit cette nuit, et l'ange est venu dire que je te donne tous ceux qui sont dans ces bateaux-ci. N'est-ce pas? Il n'a pas dit que je te donne pour que tu les sauves, pour que tu les épargnes de ces catastrophes qui vont arriver, pas pour le salut de leurs âmes, pour le salut de leurs chairs. Chacun a nagé le matin, il a dit, ah! Il a dit, oh homme, je vous avais bien dit qu'on va échouer, mais il faut qu'on échoue sur une île. Il a épargné leur vie, mais il n'a pas prêché l'évangile pour qu'ils soient sauvés. Il arrive à Rome, il loue dans un logis, les gens viennent, il prêche l'évangile. Ça se sépare. D'autres parlent en discutant, d'autres croient. N'est-ce pas, frère? Pourquoi il n'a pas prêché à ceux qui sont avec lui dans le bateau? Et aujourd'hui, quand nous, on croit, on dit que non, ton Jérusalem, c'est toute ta famille. N'est-ce pas? Ceux de sa nation, il est allé à Jérusalem. Il a même discuté avec le Seigneur Jésus, non? Il a dit, Seigneur, ils savent comment ils vivaient dans ces vies. Il dit, tâche-toi de sortir, ils n'écouteront pas. Pas vrai? Donc, Jésus dit, donne pas le témoignage là-bas. Tu montes, tu descends, ils ne vont pas. C'est pas ça, frère. Mais c'est pas Jésus qui a dit il faut aller prêcher la bonne nouvelle avec toute la création. Pourquoi il fait et il dit à Pierre, Paul, ne prêche pas la bonne nouvelle, ne perds pas ton temps. Ceux-ci ne vont pas écouter. Vous voyez effectivement que l'homme est devenu plus sage et plus commissionné que Jésus qui a commissionné, non? Et on veut faire l'œuvre de Dieu. Et là, chaque fois, on dit la grande commission. On dit aux gens, ne sortez pas. Voici la preuve. Quand on sort, chaque fois, on a l'échec. On dit, ouais, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on attend pour le temps de Dieu. On croit qu'on peut sortir, chercher, sauver des gens. En réalité, les pasteurs vous utilisent tout simplement comme les agents recruteurs pour faire que les gens viennent à la domination pour payer les dîmes. Si vous croyez de la bonne façon, vous allez savoir que vous avez le rôle pour rôle de nettoyer votre propre vie. Autre, premièrement, la poutre qui est dans ton œil, afin que tu vois la paille qui est dans l'œil, jusqu'à ce que la poutre soit ôtée dans ton œil. Tu ne dois pas aller annoncer à quelqu'un pour lui dire qu'il y a de la paille. D'accord, frère? C'est comme ça que la Bible dit. Mais aujourd'hui, on est plus pressé que Dieu. Hey, Jésus-Christ revient bientôt. Dans la Bible, c'est écrit bientôt depuis 2000 ans. Vous remarquez ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas le fait que tu vas courir pour me dire, maintenant que repends-toi, tu vas se repentir. La Bible nous a montré, si on a lu dans un des enseignements que vous avez ici, dans 2 Timothée, que Dieu a dit que pour que Dieu accorde la repentance, donc si Dieu ne l'accorde pas la repentance, bavarde comme tu bavardes, personne ne croira. Voilà la Bible, frère. Voilà la Bible, sœur. Voilà la Bible. Donc, c'est Dieu qui produit en vous la parole que tu vas prêcher à quelqu'un. Amen. C'est Dieu qui dispose le cœur de la personne. Amen. Dans Actes chapitre 16, si vous lisez votre verset 13 jusqu'au verset 16, la Bible déclare qu'il partait là-bas en bordure de la mer pour chercher un endroit qui croyait qu'il avait un lieu de prier le jour du sabbat. Comme ils cherchaient un lieu de prier, ils ont trouvé là un groupe de femmes. N'est-ce pas? L'apôtre a commencé à parler. Il y avait une là qu'on appelle qui? On appelle qui? Lydie. Pendant que l'apôtre Paul prêchait, la Bible déclare que le Seigneur ouvrit son cœur afin qu'ils fussent attentifs à ce que disait l'apôtre Paul. Combien de femmes y avait-il à ces lieux? Dieu a-t-il créé toutes ces femmes qui sont sur la terre, là, à cet endroit-là? Dieu, c'est Dieu qui les a-t-il créées? Pourquoi il a ouvert le cœur de Lydie et pas les autres? La Bible dit-elle qu'on est sauvé par le moyen de la foi et c'est un don de Dieu, ça ne vient pas de vous. C'est ce que la Bible dit. Qu'est-ce que ceux ou bien celles qui étaient à côté de Lydie ont fait pour ne pas croire? Hein, frère? Qu'est-ce que Lydie a fait? Regarde quelqu'un. Il dit qu'il anticipe qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Ainsi donc, ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc, souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas par votre effort que j'ai sauvé. J'ai prêché dans tout mon quartier. Les gens ont donné leur vie à Jésus. C'est toi qui donnes ce compte rendu. C'est ton compte parmi tout ce que tu avais bavardé là, parce que peut-être Dieu a pipé une personne parmi. Mais tu as sur la tête, tu as le nom des gens que tu as mis dans ta liste. Il y a 80 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Tu le vois au marché un jour en train de frauder, comme on a vu partout ici, ou bien esquiver les policiers de rue. Tu lui dis que frère, tu n'as plus fait ça. Qui t'a dit qu'il est frère? Après, tu le vois en bois de néant de fumée. Il dit non, Seigneur, il faut que je l'aide pour qu'il laisse la figure. Laisse la figure, il laisse devant toi, pas de fume 4 fois. Maintenant, il commence à chercher maintenant le style de bonbons que quand on fume, on suce que ça ne sent plus. Bon, comme ça, quand il est devant toi, quand il suce ça, que ça ne sent pas la cigarette. Au moins, là, il s'est caché. Comment tu veux faire qu'une poule nage comme le canard? Comment? Vous suivez? L'évangile est annoncé par le Saint-Esprit pour réunir dans un grenier les enfants de Dieu dispersés. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeurent avec vous. Amen. Souvenez-vous, vous devez avoir un bon comportement au milieu des croyants. Vous devez prendre position, vous devez et vous allez être confronté dans votre vie des fois à des décisions difficiles. Difficiles au sens où ça risque de faire mal à votre chair. C'est-à-dire dans devant cette décision, vous allez soit honorer Dieu, soit le déshonorer. Et c'est à cet instant, vous allez savoir si vous craignez Dieu, oui ou non. On ne craint pas Dieu en disant que nous sommes dans notre milieu. Oh Seigneur, je te crains. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu portes le foulard et autres. Les démons connaissent effectivement cela. Les démons des femmes portent le foulard. Et se couvrent très bien. Crois qu'il y a un seul Dieu. Il croit. Ce n'est pas ça le problème. Dans la mise en œuvre. Jésus, notre Seigneur, a dit dans Jean chapitre 14, le verset 20, qu'il dit, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Il dit, celui qui n'aime même pas, ne garde pas mes commandements. Donc, il s'agit de garder ses commandements. Ça veut dire, toi et moi, journellement, nous allons être confrontés à notre vie de foi, à expérimenter la justification. C'est-à-dire, j'ai été justifié, ne marche plus dans cette voie de condamnation. Je dois prendre position pour la vérité. Et souvenez-vous, chaque fois que vous prenez position pour la vérité, dans le cas adverse, vous allez subir des incursions. Question, frère? Oui. C'est une question. Ça, c'est clair. Mais je ne sais pas si je vais bien la poser la question. Bon. Je prends un exemple. Oui. Moi, dernièrement, je suis allé à Bounaberry. Oui. Au retour de Bounaberry, j'étais à Ville. Oui. J'étais déjà dans la soirée. Je suis en train de sortir. C'était loin à. Dans un quartier. Oui, loin au quartier. Je sortais dans un bouton. Je marche, je traverse les gens. Je marche, je traverse les gens. Je marche jusqu'à traverser un jeune homme. Donc, quand il me regarde, mon cœur me fait un jar. Je me pose la question à l'intérieur. Je dis, s'il a mangé comme ça, il part. Quand il me pose la question comme ça, n'est-ce pas, je suis en train d'avancer. J'arrive devant. Ça me fait mal quand je lui ai laissé continuer. Quand je lui ai laissé derrière, il est en train de sortir. je veux avancer, ça me fait mal. Je prends ma moto, je fais ma charrette. Je lui demande qu'on sort. Il a dit oui. Il monte, il s'approche à côté de moi. Il me dit qu'il n'a jamais monté sur la toile. Sur la toile. Regarde. Alors, et la question que je voulais poser est que cette personne, c'est à quoi de spécial? Ça m'attire vers lui. Parce que depuis qu'on fond, là, je traverse les gens. Mm-hmm. Il arrive sur lui. C'est juste avant ça s'est passé, frère. Non, c'est pour lui dire. Quand tu l'as porté, tu allais le laisser tranquille, n'est-ce pas? Mais quand il est porté, quand il est laissé, maintenant même que il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Tu il est parti, tu as dit au revoir, non? Oui. Il t'a dit merci. Mm-hmm. Pourquoi tu as pas posé la question? Tu as encore de quoi spécial? C'est à moi que tu viens poser. Donc, me chercher le problème. Il dit, vous laissez, il porte quelqu'un, il peut laisser son cœur est tranquille. Et quand il arrive, il veut me demander que pourquoi son cœur était comme ça. Que celui-là avait quoi de spécial? C'est étonnant. Mais la question c'est, pourquoi toi tu lui as pas posé la question, tu viens me demander à moi aujourd'hui? Levons-nous, prions. Levons-nous, on prie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dites gloire à Dieu, ma soeur. Gloire à Dieu. Elle-même n'a pas dit. On peut prier. Vous avez suivi les instructions qu'il a données. Vous avez suivi les commandements qu'il a donnés. Vous avez suivi des rappels qu'il a donnés. Vous êtes donc inexcusable. Souvenez-vous de cette parole de l'Écriture. Saignez le rein de votre entendement. À celui qu'il a, on ajoutera, il sera dans la bonne, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit qu'il est. À celui qu'on a beaucoup donné, on exigera. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça, frère? Vous n'avez pas perdu le sommeil pour rien. Il ne nous a pas rassemblés ici pour rien. C'est que vous avez reçu de lui. Gardez et marchez en cela. Que votre absolu, votre déterminant et votre base soit la parole. Ne vous faites que rien ne vous fasse dévier de la parole de Dieu. Que votre vie, les préceptes de votre marche soient basés sur la parole et selon sa parole. Si ça ne plaît pas aux gens, ou bien si on dit que vous vivez en marge de la société, sachez que vous vivez dans la société, pas avec les normes de la société. Tant que ces normes-là soient contre la parole de Dieu, vous vivez avec la constitution de votre Père. Vous voulez démontrer que vous êtes citoyen céleste de passage sur la terre. Et par conséquent, si vous voulez vivre le royaume des cieux sur la terre, la norme, c'est la Bible. D'accord, frère? Amen. Ouvre ta bouche, prie comme il te met dans le cœur et qu'il te bénisse.